Panda sur Skyrock, c'était le son gros son de designer rap US sur Sky pour démarrer la soirée. Romano. Moi je reconnais, je suis un petit beauf. Difool. Je serais une meuf, je préférais qu'on s'agicle moi. Cédric. Elle est belle quand même sa bite. Marie. Non, je levais la main parce qu'en fait j'ai pris l'apéro comme vous pouvez l'entendre. Samy. King of soccer, you know soccer. Yeah, Olympique de Marseille. Momo. Non, la véritable phrase, à la fin il me dit ferme. J'espère que comme ça va vous fermer vos gueules quoi, à la fin quoi. Et Karim. Ah, Hamdoula, tranquille. Difool Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Eh bien, Hamdoula tranquille, c'est parti. 21h sur Skyrock, pile 21h, tiens, pile poil. Bismillah, si tu veux, Karim. Et bonjour à vous tous. Ok. Enfin, l'émission en arabe toute la soirée. Salam alaikum. À tous. Voilà. Pourquoi pas, on apprendrait au moins. Salam alaikum, vivement le tour, tout ça. Ouais, après, Marie, elle veut prendre des cours de langue le soir. Il y en a plein qui en ont ras-le-bol de réviser, ras-le-cul d'aller en cours, tout ça. Et Marie, elle veut nous donner des cours ce soir. Non, en prendre. Marie, donne-nous des cours de maths, s'il te plaît. Des cours de langue, ouais, c'est ça. Non, je vais te donner, Marie. Des cours de maths, Marie, ce serait parfait. Ouais, bien sûr. Et pour les coups de langue, Cédric, il veut te donner des coups de langue. Non, merci. Ouais. Hein, vraiment, sans façon. Tu vas sentir l'ail après. Pourtant, c'est gentil, hein, ça part d'un bon sentiment, mais non. Oui, au départ, oui. Oui. Bon, bonjour à vous, bonsoir, j'espère que ça va bien. Karim, tu manges à quelle heure, Neil Camerounais? Lui, il mange à 10h à peu près, 10h moins 5. Ouais, 10h moins 5, quoi, à peu près, ouais. Bon, c'est parti jusqu'à minuit, en direct au 01 53 40 30 20. Notez bien le numéro, ça peut vous servir à n'importe quel moment de l'émission. Vous nous appelez, vous nous passez un coup de fil, et puis vous débarquez ici. Si vous avez un truc à dire, si vous avez un service à demander, si vous voulez faire les cons avec nous, si vous voulez parler à des membres de l'équipe, un des membres de l'équipe qui est là, Cédric est là, vous l'entendez. Ouais, je suis là. Oui, très bien. Romano arrive dans quelques secondes. Ouais. Il est en train de courir dans les couloirs. Et comme il a de toutes petites jambes, il met du temps. Ben oui, c'est vrai. Et puis en plus, il y a du monde, DJ Case et toute la bande là que vous retrouvez demain à 20h. Dans Planète Rap, à pas louper. J-2 pour l'Euro. Samy, t'es chaud? Ouais, chaud bouillant. Prêt pour le journal de l'Euro? Écoute, comme il a dit Deschamps, ça fait 2 ans qu'il attend vendredi, bah moi aussi. Bah nous aussi, on attend vendredi et on suivra la grosse soirée de vendredi en direct sur Skyrock. Je compte sur vous. Nous, on branchera la télé et puis on sera en direct avec vous. On suivra le match, on fera les cons, bah comme d'hab évidemment. Et puis on profitera de cette grosse soirée pour vivre des émotions que nous attendons, comme Didier Deschamps, depuis deux ans. Voire même plus. Bon, on le sait. Salut d'ailleurs ceux qui sont déjà là, bonjour à Toxic, bonjour à Noxic aussi. On a Toxic et Noxic, dis donc, c'est peut-être des frères. Ouais, c'est des refs. Bonjour Toxic, bonjour Noxic, ça va Difool? Oui, ça va. Salut les filles, nous fait Mathéo, salut Mathéo. Salut les filles. Salut Mathéo, salut. Mathéo qui est là, bonjour à Paco du 33, bonjour Paco, Joël Moutier des Bouches-du-Rhône qui vient d'arriver. Apéro Branleur, 29, salut Apéro Branleur. Il y a Tino qui nous dit ça sent les poubelles chez moi. T'es où? Dans le 13. Ah, ça sent les poubelles, il y a la grève des poubelles. À Marseille aussi. Ouais, à Paris aussi, ouais, c'est la merde. À Saint-Etienne aussi, on a la grève des poubelles. Chez moi aussi, il y a des poubelles partout devant. Là. Non, mais ça, c'est ta maison, Marie, faut y sortir un jour ou l'autre. Faut la nettoyer, Marie. Ah bon? Non, habituellement. Ah, t'es des poubeliers, viennent pas les prendre directement chez toi. Non, mais depuis hier, il y a des bennes devant. Là. C'est pour ça que ça pue chez moi. Sérieux? Marie, mais c'est un dépotoir, c'est pas possible. Non, mais ça va, je suis tout en haut de l'immeuble, tu sais, je les sens pas, moi, les poubelles. Vous voudriez vous mettre en ménage avec Cédric, parce que d'après ce que m'a dit Romano, parce que moi, je crois à Romano quand il me dit la vérité. Romano est sincère. Qu'il est allé chez toi et que c'est une vraie porcherie. Cédric. Et que sur ta terrasse. C'est pas une porcherie. Il y a des pots de peinture rouillés. Mais là, j'étais en travaux chez moi. C'est un truc abominable. Tu devrais vivre avec la Marie, vous seriez bien tous les deux. Ah non, impossible. Il y aurait des poubelles en plus. Ah non, parce que moi, c'est tout rangé. Putain, merci. Ce serait mignon tous les deux. Ça nous fera un couple dans l'équipe. J'essaie de faire un couple dans l'équipe depuis. Depuis une petite semaine. Là, le cadeau. J'aimerais bien, j'ai essayé. Ouais, je te rétorque le. Romano, Cédric, ça a pas marché. Bon, on va essayer Cédric et Marie, ça pourrait être sympa. J'essaie de leur trouver des points communs. Et le cadeau, bah merci quoi. Bah, oui. Qu'est-ce que je devrais pas dire? Ah, ben cadeau, dis donc. Ouais, c'est ça. Bon, alors, j'étais en train de saluer tout le monde pour nous laisser des messages. Tiens, justement, je vous l'ai pas dit. C'est le 41-759, l'appli Skyrock aussi, avec la magnifique appli gratuite de Skype. On peut même envoyer des photos tout au long de la soirée. Et puis réagir à tout ce qui est dans l'émission et envoyer des messages gratuits. C'est bien pratique. Et puis sinon, le skyrock.fm. Et donc, je vous l'ai dit, le 01 53 40 30 20. Ça, c'est pour nous appeler de toute la France et venir faire les cons avec nous, venir aider les autres, réagir à tout ce qui se dit et faire les cons en direct avec nous. On va s'occuper de la première de la soirée. Elle s'appelle Alexia et on va lui faire un petit coucou. Alexia, alors Alexia nous a écrit et elle m'a fait rigoler. Tu m'as fait rigoler avec ton mail, Alexia. On va en parler tout de suite. On va parler des rêves que vous pouvez faire. J'aime bien quand vous racontez vos rêves. Et alors celui-ci, on l'avait jamais eu. Alors, c'est quoi? C'est un rêve érotique? Ouais, c'est un rêve érotique. Donc ça va être chaud ce soir. Putain, moi j'ai rêvé de Laurent Bounot aujourd'hui. Et alors, Laurent Bounot, directeur des programmes de Skyrock, Lolo, si tu nous écoutes. C'était érotique. Ouais, Karim arrivé, mais dis, tu lui faisais quoi? Mais non, parce qu'en fait, à chaque fois que j'écoute de la musique. C'est celui qui choisit la musique à Sky, entre autres. En fait, ce que je fais, moi, à chaque fois que j'écoute de la musique, tu sais, je lui envoie des mails à chaque fois, ouais. Et je lui dis, ouais, j'aime bien ce morceau, j'aime bien ça, et des fois, il me répond, tu vois. Mmh. Et j'ai rêvé qu'il était venu me voir et qu'il me serrait la main, il me disait, bah alors, tu m'envoies plus trop de musique en ce moment, Karim. Ah, je sais pas pourquoi j'ai rêvé de lui. Sympa, ah, ouais. Ouais. Excusez-moi, j'ai un message de Romano, là, juste à l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Qui nous dit, Cédric est un gros mytho, c'était pas rangé chez lui, et il y avait des slibards sales partout. En plus des pots de peinture rouillés. Ouais, et du couscous sur la table. Du couscous périmé. Et du couscous périmé sur la table. C'est le couscous de la veille. En plus. Pas le temps de le ranger. Direct dans le frigo. Non, mais je vois bien message tous les deux. Ah, on m'aménage tous les deux, là. Ça, ah, c'est bon. Pas mal. Donc, le message de Alexia. Alors, Alexia a rêvé qu'elle couchait avec un artiste. Ah, j'ai cru d'aller dire avec son père. Non. Ah non, c'est un truc ignoble, tu vois. Non, mais, alors, si vous avez déjà fait des rêves bizarres qui vous ont mis mal ou qui vous ont mis bien d'ailleurs, qui vous ont surexcité, je sais pas, vous rêvez par exemple, pareil, tu rêves que tu couches avec une star. Je ne sais pas, moi, au hasard. Voilà. Cédric de Skyrock. Ah, mon Dieu. Bah, ça peut t'exciter très fort. Mais tu sais que moi, quand je fais des rêves érotiques, en général, je vois pas la tête. Je sais à peu près qui c'est, mais je vois pas, franchement, la tête. Alors là, il a quatre. Je vois les mentons, il y en a quatre. Non, mais c'est vrai, ça vous fait jamais ça. Vous rêvez de personnes autour de vous. Non. Vous savez à peu près qui c'est, mais tu vois pas la tête. Encore, mais il y a pas de tête, ouais, ça m'est déjà arrivé. Putain, moi, je me souviens aucun de mes rêves, moi. Non. Bah, déjà, t'as du mal à te souvenir de ce qu'on a fait 5 minutes avant dans l'émission, donc. J'imagine que pour les rêves, c'est pas facile. Si, je me souviens, parler de moi, on a parlé que c'était moi, c'était ça, là, avec Romano qui est encore en retard une fois de plus. D'ailleurs, pour le clash, n'hésitez pas à voter Cédric pour le punir ce soir. Je rappelle comment Romano habite à côté de la Seine, le pauvre, il est obligé de venir en barque. En barque. Et d'ailleurs, si vous habitez à côté des inondations et que les fleuves redescendent ou les inondations s'en vont, je peux vous dire ça. Il est là, le bougre. Ça pue la vase, ça pue les égouts. Excellent. Dans tout Paris. Non, chez toi. Chez Cédric, oui, mais dans tout Paris aussi. Je crois que c'est plus chez toi que ça pue. À côté de la Seine, ça pue. Je sais pas si c'est pareil chez vous, les Nordistes qui avaient été inondés hier, les gars du centre, les filles du centre, et puis les autres aussi. Et puis ce soir, il y a des petits orages du côté de l'Est de la France, donc bon courage à vous. Bon, alors Romano, est-ce que tu peux quand même amener ton témoignage sur ce que je disais sur Cédric, et après je parlerai du rêve érotique d'Alexia. Sur la salubrité de son appartement, c'est oui, ça. Allez, et on accueillera le premier de la soirée, il s'appelle Nassim, de Clichy, qui doit déjà être dans le coin. T'es là, Nassim? Ouais, je suis là, ça va? Ça va, Nassim. Salut, mec. Bienvenue sur Sky. T'as 21 ans et t'es dans Clichy. Quel Clichy? 9-2, 9-3? 9-2, ouais. Clichy 9-2, bien. 9-2 représente. Clichy-la-Garenne. Voilà, c'est chez moi, ça. Ouais, bah, moi aussi. Ouais, moi, 9-2 représente. 9-2 et 4-2, dis-fou. 9-2, 4-2, moi, c'est que des 2, moi. Il y a des 2 de partout. Ouais. Voilà. Alors, Nassim, tu restes avec nous. Tu vas nous expliquer. Quoi, t'as mal toi aussi? T'es quoi? Ah oui, t'as mal. Ah, tu vas pas nous. Tu vas pas nous les rebriser avec ta tendinite, assure-moi. Demain, je rentre à l'hôpital. Ah bah écoute. Ah ouais? Je vous le dis, demain matin, je vais à l'hôpital. Ça y est, il pique. Ah, pour une consultation? Ah, ils vont te faire quoi? Bah, ah oui, une échographie. Ah bah attends, c'est un truc de ouf, il va faire une radio. Waouh! Bah non, j'en fais tous les soirs et tous les matins, ça j'ai l'habitude. Et attention, exceptionnel, une échographie. Oh! Ah, mais c'est vrai, tu vas prendre écho? Radiographie, échographie. Et hospitalisation. Enfin, tu vas avoir un docteur. Et amputation. Et voilà, et amputation. Putain, mais tu vas où? Dans quel hôpital? Je vais vers la Défense. Eh ben, coupez-lui le bras. Ah ouais. Qu'on en finisse le bras là-bas. Salaud. Coupez-lui tout. Bon, alors, Nassim, on va te retrouver dans un instant. Juste avant, oui, donc un témoignage pour amener ton témoignage pour la véracité des propos que je tenais il y a un instant. Je voulais mettre Marie et Cédric en ménage, c'est une bonne idée. Ouais, mais j'ai entendu, ouais. Quelle horreur. Ouais. Ah, non, mais tiens, ça va aller. Ça serait propre là-dedans. Ah, mais tu imagines. Ouais, ça serait propre. Oh, putain, le bordel. Oh là là, ouais. Entre Marie et ses poubelles. Parce qu'elle a pas compris qu'il y avait des poubelles. Ouais, mais j'ai entendu. Ces cons de poubelliers, ils vont pas le chercher. Ah ouais, non, mais c'est en bas dans la rue, c'est pas chez moi. Donc, chez Cédric, tu témoignes, tu confirmes tout ce que j'ai dit. Eh bien, oui, je suis rentré chez la bête. Et alors? Parle bien, toi. Tu es rentré, tu as fait un pas à l'intérieur. Premier vomi. Non, mais je suis rentré, t'as l'impression que c'était une maison, tu sais, abandonnée. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces de draps, tu sais, des bouts de chiffon partout accrochés, tu sais, comme sur les vieilles maisons où tu mets des. Mais ça séchait, c'était quoi? Non, mais c'était quoi? J'avais deux jeans en train de sécher. Non, sur une t'avais porte. Pas de jeans. Mais t'es vraiment un mytho, toi. T'avais pas de jeans. Bon, alors, par contre, quand il est rentré, vu que je suis rentré juste derrière lui, il s'est empêché d'aller fermer la porte de la chambre. Empêché, ça, ouais. Je ne suis pas. J'imagine l'état de la pièce. Oui, surtout après ce que tu nous as raconté hier soir sur ta couette qui sert à t'essuyer le zob. Donc, non, mais. Ah ouais, c'est vrai que je la lave après. J'ai dit aussi que je me torchais le cul avec. Non. Ah, ça, jamais, ça. T'es vraiment un mytho. Et Jean, t'as jamais fait? Non, mais c'était dégueulasse. Il y avait. Il y avait le reste de couscous, là. Ouais, il y a le reste de couscous. Et il y avait également, Romano, tu t'es fait engueuler parce que tu as voulu tuer une araignée Mais c'était l'araignée domestique de Cédric. Oh non, laisse-la moi. On l'a laissé sa maison, tu lui casses sa toile. Jamais. Il a des araignées domestiques, Cédric. Tu as dit, il paraît que ça porte malheur de tuer. Voilà, tu veux que je te présente mes cafards aussi. Très bien, bah. J'ai dit non, ça va aller, Cédric. Moi, je vais filer parce que j'ai quand même des trucs à faire. C'est mal tout, mais je vais quitter le boui-boui. Ah, je suis marié à des souris. Non, mais dites-nous si vous trouvez que le couple Cédric-Marie, ça sera beaucoup. Ah non, jamais. Je trouve ça sera un super couple. Marie, si ça peut te rassurer, physiquement, vous ne seriez pas du tout assorti. Ah non, pas du tout, non. Je t'en remercie, ça me rassure, mais c'est surtout psychologiquement. Mais on se gueulerait dessus. Des gens différents qui sont ensemble, c'est cool. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous avez un point commun, a priori, c'est l'hygiène. Oui, c'est ça. Non, mais quoi, c'est pendant 3 mois, il parle. Les dents pendant 3 mois, il parle avec moi. Ouais, mais moi, mon appart, il est pas dégueu. C'est la propreté de l'appartement, votre point commun. Bon, alors, je vous parle du rêve d'Alexia, puis Nassim, on te retrouve juste derrière. Alexia, alors oui, Alexia nous a écrit son problème de rêve. Elle a rêvé qu'elle couchait avec une star et ça l'a travaillé un petit peu. Mais c'est qui la star ? Eh ben justement. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Je vais vous dire dans un instant. Si vous. Est-ce que vous pourriez baisser la lumière, s'il vous plaît ? Je me sens trop de la lumière. Ah bah. Non, mais ça m'a fait très mal aux yeux. Mais t'as un interrupteur là-bas, non ? Mais t'es lunettes de soleil. Non, tiens, on nous a installé un écran tactile, mais il a tenu 15 jours. Donc... on a voulu nous mettre le top de la technologie comme on nous l'a annoncé. Eh ben la technologie a ses limites. Et Difool, il est avec son petit. Ah. Voilà, c'est bien. Avec complètement dans le noir. Ben moi, je suis bien comme ça, là. Bon, ça y est, on est en ambiance intime ce soir, on va rester comme ça. C'est bon, parce que des fois, si j'ai envie de me caresser, je préfère être dans la pénombre. Nous aussi, on verra qu'il le fasse dans la pénombre. Ah non, mais. Vas-y, allume-toi. Alors, premier sujet de la soirée, avant d'en trouver Nassim qui souffre, on va essayer de t'aider, Nassim, ce soir, parce qu'on est comme ça, Skyrock. Tu restes. On est gentil. Oui, on est gentil. T'as déjà fait des rêves érotiques, Nassim ? Avec ma copine, à part ça. T'es arrivé à quoi ? T'es arrivé que tu lui faisais quoi, ta copine ? Oh non, c'est très banal. Très banal. Ah, c'est une relation normale, quoi. Mais t'as fait un rêve érotique et t'as tout mouillé ? Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Non, est-ce que t'as craché ? Non. Bah, j'en suis pas là. Moi, j'ai jamais fait de rêve érotique, moi. Jamais. Bah, moi, déjà, souvent, je me branle avant de dormir. Donc, du coup, je dois plus avoir de jus pour des éjacs nocturnes, quoi. T'as ton taux d'érotisme qui baisse et ta citerne de jus qui est vidée. Bah, c'est ça, ouais. Faut aller en phase de remplissage. Parce que Romano a des citernes de jus entre les cuisses. Dans les boules. Des fûts, quoi. Ouais, des fûts, non, peut-être pas. Je vais passer plus de temps sur Marie. Je dirais plus des gourdes. Des gourdes. Et c'est joli, tiens. Et si tu. Des gourdes en pot de souille. Tu pouvais choisir la star avec laquelle tu coucherais dans tes rêves, tu prendrais qui ? C'est pas compliqué, hein. T'as le choix, voilà. Justement, c'est parce que t'as le choix que c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Justement, c'est ça, il y a trop de choix. Il y a trop de choix. Oh. Moi, j'ai Rihanna. Rihanna, ah, bah ouais, bon choix. Moi, j'aurais dit la même chose, je crois. Elle sera dans un mois à Paris, à Nice, à Lille, à Lyon, avec Skyrock, dans un petit peu plus d'un mois. Elle vient faire ses concerts. Rihanna arrive avec Sky et on aura bientôt des places à vous filer, je vous en avais promis. Et vous savez qu'on tient toujours nos promesses, vous aurez des places bientôt pour aller voir Rihanna, les concerts Skyrock, à ne pas louper. Donc, des rêves un petit peu chelous que vous avez fait pour Alexia. Elle a 17 ans et elle nous écrit du 05. 05, c'est quoi? C'est les Hautes-Alpes. Ouais, c'est ça. Genre Gap et tout. Ouais, Gap et tout ça. C'est sympa là-bas. Bon, faut aimer la campagne. Mais ou la montagne. Ou la montagne. Oui. Les deux d'ailleurs. Mais c'est sympa. Donc Alexia, elle a rêvé à une star. À quelle star elle a rêvé ? Une star qui est venue nous voir ici à Skyrock. J'en dis pas plus. Wiz Khalifa, soprano. Alors toi, t'aimerais bien coucher avec Wiz Khalifa, toi, Romano ? Non, mais je sais pas, ça pourrait l'exciter. Tu prendrais qui comme star, toi ? Wiz Khalifa ? Un blindé. Non, déjà, j'essaierais de prendre une meuf. Ouais, de préférence. Tu vas choisir. Ouais, c'est mieux. Beyoncé. Elle est bien blindée, elle. Ouais, justement, c'est pour ça que j'ai choisi pour toi. Rihanna. Tu vois, comme toi, Nassim. Ouais, je prendrais les deux. T'as Rihanna, Beyoncé, Rihanna en doublette. Qu'est-ce que tu ferais, toi ? Rihanna, je ferais du sale, moi. Oui, mais on sait. C'est vrai qu'on a parlé de ton appartement il y a un instant, donc on sait que je ferais du très, très sale. Ah, bah, ça, c'est sûr, c'est très, très sale. Ah, ça, ouais. C'est le sale durerait 10 secondes, même. Ah, ouais. Si tu parles, toi, t'as qu'à prendre Ariana Grande, tiens. Elle sera à ta hauteur. Oui, c'est vrai. Pas mal, Cédric. Pas mal. La tristesse. T'as vu les contents, mec. Alors, la star, c'est Romano. Elle a rêvé qu'elle couchait avec Romano, nous dit. Ouais, j'imagine le bonheur. Momo, non, c'est pas ça. C'est Soprano, la star. C'est vrai que Soprano, il était avec nous il y a deux jours. Ouais. Non, c'est pas. En plus, elle est du sud, pas très loin. Bah, je sais pas, Joule, tiens. Joule, bonne réponse. Ah ouais, bonne réponse. Dans ton cul. Donc, Alexia a rêvé qu'elle couchait avec Joule. dans sa cabane au fond du jardin. Wesh alors. Wesh alors. Elle nous a pas dit s'il lui faisait wesh alors. Donc ça l'a un petit peu travaillé, mais c'est peut-être parce que t'aimes bien Jul ou qu'on l'avait passé dans la soirée. On le passera d'ailleurs ce soir ouais, de nouveau, c'est possible, ouais. Peut-être on l'a passé juste avant que tu t'endormes. Moi je pense que ça vient de ça, Alexia. J'ai réfléchi à ton problème, j'ai vu ton mail et je me suis dit ça doit venir d'un truc. On a peut-être passé Jul dans la soirée ou c'est peut-être le soir où on avait fait découvrir Jul et tu t'es retrouvé avec Jul dans tes rêves. Oh, tes rêves les plus fous. Wow. Et oui, et donc elle dit s'il a baisé dans sa cabane là où il écrit ses disques. Non, c'est moi qui rajoutais dans ça. Grotte. Ah ouais. Dans la cabane au fond du jardin. Non, ça m'a choqué. J'aime bien Jul, mais physiquement, c'est pas trop mon type de gars et pourtant, j'ai beaucoup apprécié quand je rêvais que je faisais l'amour avec lui. Tout simplement, ça m'a excité. J'étais mal quand je me suis réveillé. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Signé Alexia, 17 ans dans le 05. Alors, on peut faire quelque chose pour on peut lancer un appel Jul si tu nous écoutes. Jul, ouais. Je crois que Alexia, elle est en... Je crois que Alexia, bon, elle a 17 ans. Elle a, ouais. Mais elle a besoin de toi. Et manifestement, oui. Il viendra peut-être bientôt nous voir, Jul, dans l'émission. Restez bien dans le coin. Et viendra bientôt dans Planète Rap, parce qu'il y a le nouvel album de Jul qui arrive. Ouais. Dans Planète Rap, pas loupé. Et puis, avant minuit, un extrait de cet album que vous avez découvert, d'ailleurs, sur Skyrock, la semaine Emotion. Dernière. C'était la semaine dernière. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Emotions, c'est le titre de l'album. Et c'est aussi le titre de Jul. Il t'en a donné des emotions, Alexia. On va faire un petit sondage et on va vous demander avec quelle star vous aimeriez coucher. Si vous pouviez choisir la star, que vous avez dans vos rêves. Soso, elle nous dit, Chris Brown. Ah, t'aimerais coucher avec Chris Brown. Jul aimerait coucher avec François Hollande. C'est pas mal. Ouais, Jul. Jul aimerait coucher avec François Hollande. Ouais, il a le droit. Bah, hein, oui. Si c'est son fantasme. C'est pas Julie, comme Julie, la copine de François Hollande. C'est Jul, tout court. Ouais. Moi, Miley Cyrus, je la baiserais bien, nous dit, tout simplement Khalifa, 18 ans. Moi, ça serait Kim Kardashian, nous dit Rick Ross, 17 ans. Et vous savez que moi, elle me dégoûte, elle. Ah bah, ouais, c'est l'anniversaire de son mec d'ailleurs aujourd'hui. On en parlait ce matin dans le morning. Ouais, ouais. Kenny West est à 39 ans aujourd'hui. Et toutes ses dents, enfin j'espère, avec le fric qu'il a, s'il les a pas toutes, faut qu'il s'en fasse remettre. J'espère qu'il a des bons chicots. Ah non, mais Kim Kardashian, pour moi, elle est difforme. Bah, elle a trois gros culs, moi. Bah, non, mais elle est difforme. Ouais. C'est comme Nicki Minaj. Mais il y a plein de mecs qui aiment. Non, mais encore, je sais qu'il y a plein de mecs qui aiment. Non, Nicki Minaj a un cul plus joli que Kim Kardashian. Ah non, mais Kim Kardashian, c'est abominable. Ouais, quoi, franchement, moi, pour moi, je les classe les deux dans les culs des deux. Ouais, pareil. Mais ils sont pas vrais leurs culs. Non mais il est vivant. Non mais tu vois, je préfère une fille qui a un gros cul comme Kim Kardashian, mais qui est un peu forte au-dessus et en dessous, plutôt que Kim Kardashian. Mais c'est difforme par rapport au reste. Bah ouais. Le cul correspond pas au reste du corps. Vous voyez les filles, si vous êtes un peu forte, un peu grosse, autant être un petit peu grosse de partout, c'est mignon. Puis en plus, il y a plein de gars qui aiment bien les filles un peu potelées comme ça. Ouais, moi je la en forme. Bah tu vois. Ouais, mais par contre, Kim Kardashian, c'est vrai qu'elle est maigre en haut, maigre en bas, et elle a un cul, mais ouais, c'est une bassine. C'est une bassine. Malarabe, comme on dit. Non mais c'est un truc hallucinant. Ah ouais. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien rêver à Katsumi, nous dit Joe, sur le 41. Ah, la vieille actrice de cul, là. La vieille actrice de cul, exactement. Shakira pour moi, pour Survivor. Waka waka. Pas mal. Shakira, ouais. Tu lui fais waka waka dans les fesses à Shakira. Je me suis endormi dans mon propre rêve. Ah, donc tu rêvais que tu étais en train de dormir et que tu rêvais. C'est marrant. Conseil d'être en train de rêver. Rêve lucide. Ah ouais, toi, t'es pas mal, toi. C'est MJXSV, 15 ans, qui nous laisse un message. On te fait un bisou, ma chérie. Salut à toi. J'ai rêvé que je faisais un plan à 3 avec Benoît et Eddy de Secret Story. C'est qui, Benoît? C'est l'autre qui était sur NRJ 12? Ouais, c'est ça. C'est deux gays, en fait. Et Eddy, c'est Foufouna. Ah, il est marrant. Ouais. Et j'étais à quatre pattes et je faisais waf waf, nous dit Cédric, sur SMS. Waf waf, 19 ans, les gars, Cédric. Salut à toi. Jul a une grosse popularité. Est-ce qu'il avait une grosse bite, Jul, dans ton rêve? Mais qui pose des questions? Mais les filles, ça va pas, Morgane? Mais Morgane, tu es complètement détraqué du sexe, ma chérie. Tout va bien, quoi. Tu demanderas à Jul s'il vient nous voir. Je sais pas s'il te répondra, mais bon. Elle a peut-être des pulsions à assouvir et c'est pour ça qu'elle faisait des rêves érotiques. Ouais, ou dit Kaji. C'est possible. Ouais, puis il faut pas croire qu'elle est complètement détraquée si ouais. Jul l'attire pas. Tu sais, il se passe des trucs dans les rêves quelquefois. Merci Difou d'avoir expliqué pourquoi je rêve à la Marie, que je la baise tous les soirs. C'est parce que je l'écoute comme l'auditrice avec Jul. Ah, bah voilà. Ah ouais. Donc elle a écouté Jul. Elle rêve à Jul. Toi, tu écoutes la Marie le soir dans la radio libre sur Sky. Mais tu me niques bien, j'espère. Et après, j'espère que tu me déglingues. Dis-nous ce que tu lui lui fais à la Marie. Ah non, immonde. Si, allez. Vas-y, dis-nous tout ce que tu fais. Tout. Crise du 59, j'ai rêvé à ma voisine, elle est trop baisable, je me suis réveillé en éjaculant. Ah, toi, t'as balancé la purée, toi. Tiens, il y a Kalissa qui dit, bon, ça n'a rien à voir, mais ça me fait rire. Salut Kalissa. Samy ressemble à Jérém Star, vous ne trouvez pas? C'est Jérém Star. Oh, le bâtard. C'est celui qui reçoit les mecs dans sa baignoire. En tout cas, il doit être très beau, ce charmant garçon. Ah ben, on va te le présenter, va faire un tour dans sa baignoire, Samy. Non, montre-moi juste sa photo déjà. J'ai rêvé qu'une femme m'enculait avec un gars de ceinture. J'ai juté. Je l'ai raconté à mes collègues au lycée. Et depuis une semaine, ils arrêtent pas de me charrier. Faut pas raconter. Tu racontes pas dans ces cas-là. Raconte pas que tu te fais enculer avec un gars de ceinture. Lobotomix, 18 ans. Salut, Lobotomix. Tu cherches aussi. Il lui faisait quoi, Jules? Jules, on va essayer de la rappeler parce qu'Alexia, il y a 5 minutes, on l'a appelée juste avant l'émission parce qu'on voulait démarrer avec elle. Et le problème, c'est qu'elle était avec papa, maman, les frères, les sœurs qui étaient. Ouais, c'est pas génial de parler de son famille. Qui était juste derrière. Ouais, je ressemble pas à Jérém Star. Si, qui arrive à montrer une photo. Non, mais pour qu'on se rende bien compte, il faudrait que tu te mettes dans une baignoire avec des canards. Non, sinon, tu te mets du lait sur le corps. Eh, mais toutes ces photos, il est en train de lécher un truc, il a du lait sur le visage et tout. C'est pour ça qu'il te ressemble. Je trouve. C'est un acteur porno. Non, c'est un mec qui interview des gens dans une baignoire. Mais tu connais pas Jérém Star? La vermine. Ouais. C'est comme ça qu'ils sont. C'est la vermine. Bon, les rêves chelous. On a Inès au téléphone qu'on va prendre dans un instant, direct de Montpellier, qui doit être dans le coin. Bonjour Inès. Bonsoir. Ouais, coucou. Bonsoir Inès. Comment vas-tu Inès? Bien et vous? Bien. Toi, tu as rêvé un truc chelou. Tu vas nous expliquer. Un rêve, t'es allé con. Excusez-moi, mon père, il écoute en fait. Bonjour papa. Comment il s'appelle papa? Olivier. Salut Olivier. Comment il va, Olive? Bien. Bien. Bon, très bien. C'est bien là, la famille, vous écoutez Skyrock. Un peu choqué par votre discours de sexe, mais c'est pas son. On a rien dit, Olivier. Je suis sûr qu'il fait pire avec ses potes, Olivier, moi. Ouais, bon, j'arrête tout de suite. Il va raccrocher le téléphone, tu vas voir. J'arrête. Toi, tu as fait un rêve à la con. Tu nous racontes dans 2 minutes? D'accord. Bon, tu bouges pas. T'aimes quoi comme son, toi, Inès? Y a quoi qui te ferait plaisir ce soir? T'aimes bien, Jules? J'aime bien le nouveau soprano. T'aimes bien le nouveau soprano? Tu veux l'écouter? Ouais. Allez, on te le met. Allez, c'est parti. Chaque euro. C'est gratuit. On envoie une petite facture à papa. Hein. Ouais, super. Papa Olivier, faut lâcher 5 euros pour c'est la musique. Il y a papa qui va qui t'offre Jules tout à l'heure et soprano. Et les Marseillais sont là ce soir. Hein. Yes, ouais. C'est parti. Donc tu bouges pas, Inès. Tu nous racontes ton rêve super et on attend vos rêves bizarres. Et pour l'explication, il y en a plein qui disent que j'ai eu raison. Je suis très content de vos messages. Difoul, c'est vrai. Quand on fait un truc juste avant de dormir, eh bien on peut y repenser dans la nuit, et ça fait un rêve. Message de Sasa sur SMS. Ah ouais, salut, c'est à évident. Sasa. Et bon, bah, tu restes. Genre un film d'horreur, tu peux faire des cauchemars derrière. Pareil, exactement. Bah ouais. Ouais. Eh, pas bête, la Marie. C'est pour ça que j'en regarde pas, moi. Mais t'as bien raison. Ah, bah oui, passer la soirée avec nous, pauvre chérie, là. C'est plus sexe. Jules, c'est vraiment un beau gosse. Il gère de ouf, nous dit Camille, 17 ans. On y revient tout de suite. Inès, tu restes avec nous. Le retour de Nassim et de sa souffrance à lui aussi. Et puis, vous toutes en direct de toute la France, 01 53 40 30 20. Tous les matins, les plus gros stars sont dans le morning de Difool sur Skyrock. C'est Soprano Baba. Salut, c'est Maître Gims. Yeah, c'est Black M. Bonjour, c'est Zlatan. Can you hear me? On t'entend bien, Nelson. Et donc, c'est Hervé qu'on a appelé ce matin pour le réveiller avec Nelson Montfort. Est-ce que le contact va être bon? C'est parti, c'est sur Skyrock. Allez, Nelson. Allez, Nelson. Vous êtes qui? Nelson Montfort en direct du stadium où vient de s'achever cette finale extraordinaire. Faut vous calmer, je sais pas ce que vous avez. Si vous avez pris de l'extasie ou je ne sais quoi, moi j'en ai rien à foutre. Le réveil de Star, c'est à 6h10, 7h50, 8h50 dans le Morning de Difool sur Skyrock. The Morning Show! Dans la campagne picarde des années 70, un médecin congolais s'installe avec sa famille. Face aux préjugés, ils vont tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois. Bienvenue à Marie-Gaumont! Une comédie tendre, décapante et irrésistible d'après Le Parisien. Bienvenue à Marie-Gaumont, un film de Julien Robaldi avec Marc Zinga et Aïssa Maïga d'après l'histoire vraie de Camini. Actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Le nouvel album de DJ Case est déjà disponible avec Gradure, Franco, Mr. You, Screech et aussi Caris, Keina Samet, Souf, MRC et la participation des Dégains. DJ Case à écouter dès maintenant sur Apple Music. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Y-A-X. Yax. Breakdown.

Le diable s'habille plus en Prada, c'était pour toi Inès, c'est toi qui as choisi le son là. Il est bien ce son de soprano, hein. Découvert sur Skyrock lundi, puisqu'il est venu lundi nous l'amener directement dans les studios. C'était Soprano, un extrait de son nouvel album Soprano sur Skyrock. Come on 21h minuit, la radio libre de Difool, seulement sur Skyrock. Et ouais, en direct sur Skyrock, jusqu'à minuit, on est là. Vous pouvez nous appeler, comme Inès qui est avec nous. On parlait du rêve bizarre de Alexia qui a rêvé qu'elle couchait avec Jules. Jules, on va l'écouter. Et s'il nous écoute, Jules, il doit halluciner. Ah bah et ouais. Jules, tu es le fantasme d'auditrice de Skyrock. C'est pas beau ça, dis donc. Magnifique. Eh, magnifique. Jules, d'ailleurs, on l'écoutera tout à l'heure, avant minuit. Nouveau son de Jules qui s'appelle Emotions, exactement, et la Marie, ouais. Nouveau son de Jules qu'on écoutera donc bah tiens d'ici une heure on se le mettra dans moins d'une heure. Jules, ça va faire ça, Alexia, ça va la mettre dans tous ses états là. Ah là ouais, allez, Alexia 17 ans dans le 05. Donc Inès, ton rêve, est-ce qu'il paraît que tu as un rêve hallucinant? Ah, c'est Karim qui t'a eu au téléphone, c'est ça? Ah moi Inès, ça m'a fait dahak moi. Inès. Ouh. Allô. Et papa Olivier? Allô? Ah! Allô. Très bien, Inès, on a cru qu'on t'avait perdu. Donc, non, je capte pas bien dans ma chambre. Ah, c'est ça. Alors, Inès, mets-toi à la fenêtre. Oui. Parce qu'il faut absolument qu'on entende ton truc, là, ton espèce de rêve. Karim m'a dit, c'est un rêve, t'as les cons. Ah ouais, t'as les cons, ouais. Alors, je savais même pas qui c'était, le gars, mais c'est pas grave. Le gars, c'était Karim. Karim lui-même. Oh, tu peux parler l'arabe aussi. Je suis algérienne, moi aussi. Enfin, je fais le ramadan. Ah ben, Psartek. Tu dois puer de la gueule, toi aussi, tu vois. Oh, mais arrêtez. Moi, j'ai plein de potes qui font le ramadan, ils se lavent les dents quand même. Ouais, quand même, ouais. Bah, t'as le droit, mais faut pas avaler, c'est tout. Moi, j'en profite. Oui, vas-y. C'est le ramadan pour pas me laver les dents. Ah ouais, d'accord, ok. Ah donc, non, mais je... Heureusement qu'on est au téléphone, en gros. Hein. Ah, c'est bien, ouais. Oui. Romano, tu sais qu'il a fait... Romano a fait le ramadan pendant combien de temps? Plusieurs années. Trois mois. Pendant trois mois, Romano, il s'est pas lavé les dents. Attends, je me suis un peu emballé, monsieur. Il l'avoue. T'as fait le ramadan trois mois, c'est ouf, ça, dis donc. Non, mais c'était pas le ramadan, c'était... Je faisais la grève de l'hygiène. Mettez les messages que vous nous avez laissés, on vous a demandé avec qui vous aimeriez faire un rêve érotique. Et donc toi Inès, toi c'est pas un rêve érotique du tout, t'as rêvé à quoi toi Inès? De Voldemort. De Voldemort? Ah ouais, c'est dans Harry Potter ça. Ouais. Tu as rêvé de... Mais qu'est-ce qu'il faisait Voldemort? Il volait les nez de tous les habitants de la ville. Il volait quoi, les nez? Ouais. Putain, il aurait dû voler celui de Difool, tu vois. Ah là, c'est que celui de Difool, c'est le magot, quoi. Vous êtes trop drôle. Tiens, Romano. Il aurait été choqué, le pauvre. Oui, il aurait été choqué. Toi aussi, Inès. Merci du coup de fil, c'est sympa. Donc, Voldemort volait l'aîné. Et donc, t'as rêvé à ça. Mais tu t'es réveillé, comment? En sueur, toute paniquée, ou tu rigolais? Si t'avais un nez ou pas? En fait, après, comme moi, j'aime bien les rêves lucides. Vous voyez ce que c'est? Non, c'est quoi? Contrôler les rêves. Contrôler les rêves. On peut contrôler ses rêves? Ouais, ah. Au bout d'un moment, lors du sommeil paradoxal. T'as l'air bien arraché, toi, dis donc. Lors du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est au bout de combien de temps d'endormissement? Tu t'endors? Bah, c'est au bout de combien de temps? Une heure et demie, en fait. Une heure et demie après s'être endormi, t'es dans le sommeil paradoxal. Enfin, il y a de moins en plus en plus fort tous les une heure et demie. Mais ouais, mais en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu ce que tu, ça revient un petit peu à ce que tu nous dis là. Si par exemple, je sais pas, tu t'endors, tu penses à Cédric, tu peux faire un rêve érotique sur Cédric. Bah ouais. Non, c'est un cauchemar. Ah pardon, tu peux faire un cauchemar érotique sur Cédric, c'est non, vrai. Non, pas tu... érotique. Ah, un cauchemar dégueulique sur Cédric alors. C'est ça. Je me réveille les gars. Donc, non, mais tu peux arriver à conditionner tes rêves, c'est possible. Ah ouais, mais ça, je savais pas, non. Bah si, en fonction de ce que tu fais, juste avant de dormir. Tu penses très fort à un truc. Regarde, par exemple, il y a Rod, le beau gosse du 83, il a 20 ans. Il nous dit Jessica Alba, il aimerait rêver à Jessica Alba. Bah tu penses très fort à Jessica Alba avant c'est de dormir. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, t'as un bon choix. Ouais, hein. C'est clair. C'est pas mal. Maëlle, elle, c'est Justin Bieber. Eh bien, tu rêves très fort à Justin Bieber. Et tu l'aimes pas, Justin Bieber? Non. Non, t'aimes pas Justin Bieber. Tu peux faire Soprano. Non. Ouais. Ah, ouais. Donc toi tu penses à Soprano très fort. Maëlle, pour toi, tu penses très fort à Justin Bieber. Et puis peut-être que tu, avant de dormir, peut-être que tu rêveras à Justin Bieber. Kaji pour la Marie, même chose. Laurie du 84 pour Ricky Martin, même chose. Et ça restera un fantasme, Laurie. Ricky Martin, il est gay, ouais. Oui, il est marié. Oui. Il est marié. Ouais, je crois. En tout cas, il a adopté deux enfants. Ouais. Il a des enfants. Ouais, deux. Ouais. Bah, des jumeaux. Ouais. Avec son mec? Bah quoi, avec son mec, ils les ont adoptés. Bah, ouais, je croyais qu'ils avaient fait des enfants. Ils ont une mère porteuse, mais je sais pas comment ça s'est passé, je ne le connais pas intimement. Mais en tout cas, je sais qu'il a deux enfants, c'est des petits jumeaux, ils sont mignons d'ailleurs. Millie, 19 ans, elle, c'est Karim Benzema. Bah tu te regardes un match de foot juste avant de dormir avec Karim Benzema dedans, un match du Real. Et c'est possible que tu rêves de lui. Et c'est possible. T'as Rihanna, un gros succès. Hein. Sur les messages que vous nous avez laissés, tiens vas-y Romano, va voir sur le Facebook. Je vais voir sur Facebook. Ouais. Et c'est confirmé, Samy ressemble à Jerem Star. Il y a plein de messages que vous nous laissez tout à l'heure. On a vu une photo, mais avec non, mais flou, d'ailleurs, je me demande. C'est lui, non, Samy ne serait pas Jerem Star. C'est possible. Moi, ça serait Jerem Star. Ouais, non, c'est toi, Jerem. Parce que l'autre con des réseaux sociaux, il s'amuse à faire des montages. Ne parle pas comme ça de Romain, ouais, s'il te plaît. Ma tête à côté de sa tête, donc là, je peux aller voir. En plus, comme par hasard, j'ai mis la tête dans le même axe que la tête de la photo qu'il a prise. J'avoue, on dirait moi. Non, mais allez, à vous, Jerem Star. Maintenant, arrête. J'aime même pas que c'était ce gars, mais vu les photos que j'ai vues, ça me donne pas envie de lui ressembler. On parlait d'Ariana Grande tout à l'heure. Beaucoup de succès pour Ariana Grande. Tony Parker également. C'est noté pour Tony Parker. Je choisirais Dinaz. Ah, c'était la semaine dernière. Il était la semaine dernière. Ouais. Jaja et Dinaz, ouais. Avec Jaja dans le Planète Rap. Ah, sur le Facebook, il y a Ludivine, elle, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sur Facebook. Il y a Julie, c'est, alors je ne sais pas qui c'est, mais Marie doit connaître. Chris Hemsworth. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Chris Hemsworth. Je ne sais pas qui c'est. Oh, donc, j'ai entendu ça. Tatiana, elle c'est. Ah, ben c'est une fille, tu vois, elle veut Nathalie Portman. Très bien. C'est vrai qu'elle est pas mal, Nathalie Portman. Ouais, Inès, c'est dis à Olivier de couper ton papa, de couper la radio deux secondes, faut que je lise un message. Olivier, coupe la radio deux secondes. Ah. Voilà, coupe la radio, c'est bien. Alors, je vous lis le message. Ouais. Alors, Hamid, qui nous laisse un message et qui nous dit, il a 19 ans, moi, en rêvant de la Marie, je zique dans son gros trou du cul. Ah, avant, non avant qu'elle me nettoie le mien avec la bouche. Ah, arrête. C'est bon, Olivier, le papa, il peut remettre la radio. Mais comment ça se fait qu'il sait que j'ai un gros trou du cul? Non. Attends, Olivier, deux secondes, si Romano finit. Non, mais c'est bon. Très bien. Bon, et Inès, comment tu fais pour guider tes rêves, alors? Donne un petit conseil pour ce, à part le conseil que je vous ai donné. Ah, Inès est en train de discuter avec papa derrière. Ah ouais, règlement de compte. Ah, très bien. C'est peut-être à cause du message. Non, mais le message, j'avais dit de couper la radio avant. Hein. Bon, bah, en tout cas, faites comme je vous ai dit. Vous regardez, vous pensez très fort à un truc qui. Avant de dormir, ouais. Avant de dormir. Si vous aimez les cauchemars, vous pensez très fort à un film d'horreur, un truc comme ça. Mmh. Ou alors. Ou alors à Cédric. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ou alors. Au contraire, ça vous ferait kiffer. Ouais, bah, écoute, on a pas des masses, hein. C'est possible. Tiens, j'ai rêvé que Diffoul baisait Nabila, nous dit Rick Ross. 17 ans. Salut Rick Ross. Je sais qu'elle écoute l'émission parce qu'elle nous avait appelé pendant le. Elle écoute le morning, en tout cas. Ouais. Elle nous a appelé avec Thomas pendant le morning, on était en train de se moquer d'elle. Elle nous a appelé, t'es plutôt sympa d'ailleurs Nabila. Bah, physiquement, ça nous est marré. Physiquement, elle est pas dégueulasse en fait. Ah, ça c'est clair. Ah bah non. Non, ça va. Ah bah elle est plutôt bonne. Ah bah moi franchement je kiffe Thomas. Romano, là tu me tentes un peu aussi, dis donc. Hein. Bon, Inès, on te remercie, on te fait une grosse bise en tout cas, merci du témoignage. Et pour Alexia, bah panique pas Alexia, ça arrive à plein de monde. Hein. Oui. Selena Gomez, encore Rihanna, t'as Rihanna fait. Non mais c'est vrai que même là sur Facebook là sur Skyrock.fm, Skyrock FM pardon. Oui. C'est Rihanna qui revient le plus et chez les mecs il y a beaucoup de. Diffoul. Ah ouais tiens. Ouais, Diffoul. Alors Diffoul. Voilà avec 1,778,000 voix. Et seulement la moitié, il y a Cristiano Ronaldo qui est pas mal, il y a Ritza aussi qui est pas mal cité. Ouais, Ritza, il y a du SCH aussi. C'est vrai que SCH, c'est pas mal. Après plus à l'ancienne, il y a Vin Diesel ou Beckham. Bon, ils sont pas des gueux non plus hein. Oui, puis ils sont surtout bah bien blindé. Ça le rend fou, tu sais. Bien blindé, même pas le dire. Tu parles de blindé, quoi. Bah Inès, on t'envoie le t-shirt Skyrock pour toi ou pour toi, pour je veux ton dire. Père. Pour toi ou pour ton père, on te l'envoie à toi, Inès, à la maison à Montpellier. On te fait un gros bisou, Inès. Ah ouais, là, elle nous entend plus du tout. Voilà, entre les problèmes de papa et les problèmes de réseau. Ouais. Inès, elle est en train de contrôler ses rêves, là. Ouais. Oui. Ah, faut qu'on salue, ce soir, un auditeur de Skyrock qui est avec nous dans les studios, qui nous a amené un petit cadeau. Alors, pas pour moi j'ai pas de cadeau. Si, t'en as un, tiens, regarde. Ah, c'est vrai, j'ai un cadeau. Ouais, il en a ramené pour tout le monde. Parce que j'ai vu qu'il y avait Romano et Cédric qui avaient un beau cadeau. Tiens. Ouais, on a des autocollants avec chacun le nom de notre team. Team Romano. Tu as fait un auto. Et Team Cédric. Il est joli, celui-ci. Diffoul, Momo. Et toi, tu t'appelles Clément. Clément. Alors, c'est un américain. Alors, américain là. Ouais, et t'as fait des stickers Skyrock. Et alors, les stickers les plus importants que tu as fait ce soir. Ah, c'est Team Romano et Team Cédric. Et ouais. On a chacun nos stickers. Vous en offrirez à ceux qui votent pour vous tout à l'heure. Ouais, vas-y, ouais, je peux en donner. D'accord. Et Cédric aussi. Alors, juste un petit truc, parce qu'il nous a fait une coque pour le téléphone. Ah, c'est une coque téléphone. Ah, ouais, c'est un sticker pour le téléphone. Et en fait. Par contre, c'est pas la bonne taille. Pourquoi? Mais non, mais parce que t'avais un iPhone 5, je t'avais demandé. Avant, t'avais un 5 et maintenant t'as un 6. Ah bah, il faut leur entre faire. Temps. Ah oui, il a fait la bonne taille. Il faut leur faire parce que je ne suis absolument pas satisfait du cadeau. Il y a un moment avec un cœur aussi pour la oui, oui, merci, il l'utilise. Non, merci, Clemens. Merci, Poton. Merci, Clemens. C'est sympa, Clemens. Si tu as une adresse, tu veux qu'on te fasse un petit peu de pub pour ta boîte, on va la mettre sur les réseaux. Ok? C'est 50 euros. Elle vient dire bonjour. Tu viens d'où, toi, Clemens? De Abbeville. De Abbeville. Pourquoi t'as l'accent du sud pour dire Abbeville? Abbeville. Je suis un nordiste. T'es un nordiste. Et tu bosses là-dedans? Ouais, je sais. T'as quel âge, toi? 20 ans? 22 ans. Ok. À vue de nez, je te donnais 20, tu fais un petit peu jeune. Oh. Et donc, c'est ta boîte, tu as créé une boîte de stickers. Ouais, il y a 4 ans. Donc, si je veux, ah, mais c'est pas con, hein. Si je veux, par exemple, avoir un sticker sur mon véhicule, voter Cédric, par exemple, je peux. Ouais, je peux. Ah, je te jure, je fais brûler ta caisse. Je la fous dans la Seine, en plus, elle est bien haute. Et en plus, gratuitement, c'est pour Cédric. C'est quoi, gros, on va en faire et je vais les coller sur la voiture de Romano, je te jure, je le fais. Et s'il y a des auditeurs qui veulent se faire des stickers, ils peuvent te contacter aussi. Ouais, y a pas de soucis. Ah, c'est bon. Combien ça coûte? Donc, ça, c'est 16,50€ pour le 16,50€ la coque. Ouais, face avant et puis. D'accord, bah, mais tu fais les logos, ouais, tu fais tout le bordel. Ouais, c'est personnalisé, ouais. D'accord. Ouais. C'est sur mesure. Bah, c'est gentil, Clemens. Et tu votes pour qui pour le clash? Je sais pas, on va voir après. Ah, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, c'est bien, mon pote. Faut écouter les prestations des deux. Ah, ça donne bien sur le téléphone, hein. Eh, t'as vu? Ah, ouais. Franchement, bien, joli. Hein. Ah oui, t'as Karim aussi. Ouais, ouais, moi j'ai mis le mien. Et Samy, il en a un. Ouais, ouais, il y a écrit Samy, tranquille, Skyrock et tout. Ah, c'est joli aussi, ouais. Eh ben, c'est gentil, Clément. Merci, merci. Merci à toi. Et donc, Au niveau du sticker pour le téléphone, je suis le baiser, quoi. Non, c'est ça l'histoire. J'espère que tu seras pas baisé pour ton clash de la drague. Ah, j'espère pas non plus, hein. Et ouais, ouais. On va faire un petit double appel, là, d'ici quelques instants, puisque je vois que les familles sont prêtes. On a notre journal de l'euro 2016. Ouais, journal des Bleus, tout ça, on parlera d'argent. Du journal de l'euro, des Bleus, de Skyrock. Je sens que ça va être passionnant ce soir. De premier sur le foot. Et on parle d'argent. Ouais, on va parler d'argent. Soir. On va parler d'oseille, de blé, de millions d'euros. De centaines de millions d'euros. Ah, c'est bon, fais-moi jouir. Ah, ça y est, l'OTI, surexcité. Tiens, je veux un autocollant. Romano. Ah, ça y est, c'est déjà, ça a du succès. Bah, vas-y, ouais. C'est bien. Je sais pas comment on va s'organiser, par contre, si ça va être encore. Non, mais on choisira ceux qui votent. Mais on en a plein, c'est pas le problème. Après, faut juste qu'on s'organise, quelqu'un prenne les adresses, ouais, on les envoie vite, voilà. Moi, je prends que les adresses de la team Cédric. Bah, toi, t'es un enculé. En tout cas, vous êtes gentils, les auditeurs de Skyrock. Merci Clemens, parce que vous nous envoyez des cadeaux, vous nous faites des trucs comme ça. Bah, tant pis, j'avais des cadeaux pour tous les membres de l'équipe, moi aussi. Mais vu que Cédric est très désagréable, je crois que je lui Tu le gardes pour demain. Il est parti, Clemens? Non, il est là, il est à côté. Ah oui, non, il est toujours là. Il est resté dans le coin, on sait jamais si vous avez besoin d'un truc. Il est là, il est dans le coin. Ouais. Bon, alors, vos rêves érotiques. À qui tu rêverais, toi, Karim, t'as dit? Moi. T'as pas dit? Non, j'ai pas dit, mais Cassie, j'aimerais bien rêver d'elle et la Ken dans un Cassie rêve. Aussi, ah ouais. Cassie, ouais. Ouais, pas mal. Ah, la chanteuse. Celle qui chantait avec P. Diddy, là. Ouais, c'est ça, ouais. Regardez regarder les photos, on voit sa chatte sur internet. Ah ouais, ouais une grosse chatte quand même. Non, ça va. Non, elle est bonne, gros. Ouais. Non, on bien sa chatte écartée. Toi, Samy Mandanda, qui donc? Jérém Star, vous avez dit, ouais. Non, moi j'ai dit tout à l'heure Rihanna. Tu restes bloqué sur Rihanna. Ah, moi j'aime bien Rihanna, ouais. Et Marie, alors? Bah, je suis en train de chercher, putain, mais il y a un paquet de mecs. Ça fait une demi-heure que tu... Non, mais dis quoi? Une demi-heure que tu cherches. Oui, non, mais je pense pas qu'à ça en même temps, depuis une demi-heure encore. Gérard Depardieu. Je dirais bien peut-être Jude Law, tu vois, ou un mec comme ça. Ouais. Un comédien. Ah, bah, il est un peu chauve, lui. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu chauve. Je crois que je vais pouvoir la baiser bientôt. Non. C'est des amours. Rappelle-moi Romain Lolo. La meuf de Gucci pour Zedong. C'était pas le premier qui laisse un message sur la meuf de Gucci. C'est quoi la pub? Ouais, laquelle? Parce qu'il y en a plein, les pubs. Ouais, moi, chaque fois que. Ah, ça y est, je vois. Chaque fois que je passe devant, j'ai les yeux qui sortent de la tête. Un peu mais comme non, mais attends, c'est la pub quoi? Non, télé la pub ou. Cinéma, non la pub télé ou sur ouais, des affiches? Télé cinéma. Des affiches, je crois, non? Ah non, c'est pas la même meuf. Parce que Gucci, bah, et bon, puis en même, général, Gucci, ils sont pas mal. Souvent des pubs, donc. Ouais, parce que la pub qui est au cinéma et peut-être à la télé, genre, tu sais, c'est un peu érotique, tu vois. Genre, c'est vrai qu'elle est pas mal. La pub. Bah, j'aime bien aussi, tu vois. La meuf est pas des. Putain, sinon, il y en a une, les gars, elle est fraîche, c'est Ophélie Meunier. Je sais pas si vous voyez qui c'est, la meuf, t'es à Canal. Oui, elle va sur M6 et elle va présenter. Zone interdite. Zone interdite. Elle va être remplaçante pour le 1945. Dès l'année prochaine. Ah, c'est un paquet, t'as les fous, hein. Oh. Ophélie, si tu nous écoutes, on te souhaite bonne chance. J'ai été juste à côté d'elle une fois. Ah ouais? T'as pas pris son number? Il a bandé. Non, il y avait Cariole aussi, donc. Non, mais elle est jolie, ouais, c'est vrai qu'elle est jolie. Ah ouais, c'est un panier. Ouais, elle est jolie, Ophélie. Ah ouais, et même en vrai, tu vois. Ouais. Un panier Dioplait, moi, j'appelle ça. C'est bien, magnifique. Un panier de fruits. L'expression de Karim, quoi. Bon, allez, on reviendra peut-être à vos rêves. Si vous avez des trucs à nous raconter là-dessus, des explications de rêves, tout ça. On en a parlé pour Alexia qui rêvait qu'elle faisait l'amour avec Jules. Eh bien, Jules, on lui en parlera la prochaine fois qu'il viendra nous voir. Moi, c'est le père Fouras, mort de rire. Ouais, merci pour ton message. J'ai pas vu qu'il nous l'avait envoyé parce que ça défile tellement vite. Mais bon, merci pour le père Fouras. Il y a Nassim qu'on va prendre en direct dans un instant avec nous, mais tout de suite, c'est parti. Les familles du double appel. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah bah je sais pas moi. Le double appel de Default sur Skyrock. Encule le quoi? Bah Patrick. Bah oui, c'est Patrick. Évidemment. Le double appel, c'est parti avec les numéros que vous nous laissez. Alors ce soir, bon, on a plein de numéros. On va les faire les uns derrière les autres. N'oublie pas les familles. Samy, on a dans un quartier plusieurs numéros de téléphone dans la même rue en fait. Ouais, plusieurs numéros de téléphone à appeler. Donc ça c'est une bonne idée. Merci merci à toi qui nous l'a envoyé. C'est X-Men qui nous a laissé un message. Ouais, parce que des fois ils se connaissent, donc c'est marrant. Donc, ouais, X-Men, c'est bien, ça, ouais. Il nous dit je vous donne les numéros. Et alors là, il y a quatre numéros qui s'enchaînent. Ils sont tous des voisins de X-Men. On va passer un petit coup de fil d'ici quelques Allez. Instants. Ouais. On s'occupe de toi, X-Men. Et puis on s'occupe également de tous les autres. Les numéros que vous nous avez laissés. On va où, Samy, pour le premier coup de fil on de va aller ce soir chez, Christian. Oui. Et chez Bertrand. Christian et Bertrand. Et là, on est du côté du 87 pour Christian. Et l'autre, il est où? C'est quoi, 87? Dans le 85. C'est Limoges, tout ça? Ouais. Ah, c'est Limoges. 87. Et 85, ouais. C'est la Vendée. Voilà. 85. C'est ça, man. Mise en contact de... Avant qu'on aille dans le même quartier. C'était ouais. bien marré dans le même immeuble la semaine dernière. Ouais. Donc, dans le même quartier, allô, ça peut être oui. sympa. Allô? Oh, oui. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô? Qui c'est Vanina. Vanina. Mais qui est-ce que vous demandez? Et c'est vous qui m'appelez? Ah, pas du tout. Je vous ai pas appelé du tout, moi. Allô? Allô, oui. Salut les filles. Salut les filles. Ah ben voilà, salut les filles et ça raccroche. Non, non, mais il y en a encore une. Salut ah. les filles. Non, mais vous êtes un peu fous, qu'est-ce que vous faites? J'ai des godes. Comment dirais-je avec un... Avec un... Oh. Comment dirais-je avec un... Je te prends un saucisson de cheval et je te l'enfile. Des godes en saucisson de cheval. Oh là là. Oh là là. Oh. Saucisson de cheval. Non, elle aime pas les saucissons de cheval. Non, elle aime elle pas. Est pas très charcuterie, elle. Elle sait pas trop son truc, le saucisson non, de cheval. Non, c'est pas son dada, comme non, on dit. Non. Elle a pas aimé. Alors ah, tu préfères les chevaux si tu préfères les dadas. C'est voilà, c'est bien. Ouais, pas mal, t'as raison, Marie. Nicolas et Jimmy. Les saucissons de cheval, le saucisson de cheval, c'est pas son dada. Non. Très bien joué, Romain. Ah, ouais, oui, très bon, sans le vouloir, en plus. Ah, bah, dis donc. Ouais, magnifique. C'est ça. Allô. Allô. Allô. Allô. Bah alors, parle. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, non. Le connard, hein. Oui, non. Tu t'es fait insulter, Romano. Ah, ouais, attends, c'est quoi, ça? Bah, il t'a traité non, de connard. Non, et... non, mais ça va pas, monsieur. Il t'a traité de connard, c'est pas très gentil. Comment il s'appelait, lui? C'est Nicolas, on va le rappeler, il t'a traité. Ah, très bien. Je prépare le oui à l'eau. D'accord? Très bien. Très bien. Allô? Oui, allons. Oui, allons. Tout, tout, tout. Salut. Bon. Allô. Oui, allons. Allô. Oui, allons. Bah, c'est étonnant qu'ils comprennent rien parce que vous, oui, vous comprenez tout, hein, ça le mérite d'être clair. C'est très clair. Je sais pas, oui, allô. Oui, allô. Bah oui, allô. Bah oui. Bah, alors, attends. Allô. Oui, allô. Bon, alors. Vas-y, bah, on fait dans la même rue là. Ah, on file dans la même rue. Donc vas-y, prépare tous les numéros. Alors là, c'est pas un double appel. On enchaîne. Hein. On les enchaîne. Bon, on en prend deux d'abord et puis après, s'il y en a qui arrivent, on rappelle les autres derrière. Oui. Oui, allô. Allô, oui. Oui, oui je vous écoute. Hein. Oui, mais non, mais c'est moi qui vous écoute parce que mon téléphone vient de sonner. Ah, moi aussi. Ah bon, c'est bizarre qu'il ait sonné même à deux endroits différents, hein. Ah ben écoutez, moi je sais pas où vous êtes non plus, donc mon téléphone a sonné, j'entends bip bip, ça me fait deux bip bip. Ouais, mais j'ai ça m'a fait pareil à moi, bip voilà. bip, et puis ensuite, ben je vous ai eu. Hein. Ouais, moi c'est pareil. Et je n'ai appelé personne, c'est mon téléphone qui a sonné, à l'instant même, là. Moi c'est pareil, voilà. Oh, il y a des choses bizarres qui se passent, hein. Ouais, ça doit être l'interférence sur le téléphone. Hein, je... Ouais, ouais, ou quelqu'un qui essaye de piéger. Ah, je pense pas, non, je pense que ça doit être un truc... Ouais, ouais. Voilà, je pourrais vous dire, je vous ai pas appelé. Mais bon, mais c'est moi aussi, allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Allô. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui, allô. Allô. Oui, oui, je vous écoute. Hein. Et moi aussi. Ben écoutez, ça fait deux fois que ça se passe, que quand je décroche, il y a une autre personne qui décroche en même temps que moi, hein. Et vous appelez qui? Moi, j'appelle personne. Moi, j'ai appelé personne, moi. Hein. Et moi non plus. Mais non, mais je vous dis, ça oui, fait oui. deux fois dans la matinée oui, que oui. lorsque je décroche, il oui. y a une autre personne qui décroche en même temps que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Bon. Vous avez le même numéro que moi, alors? Ah ben, j'ai pas le même ouais, numéro que vous. J'ai pas le même numéro, moi. Moi, ça se termine par 93. Ouais, ben... Mais excusez-moi. Bon, pourquoi c'est, ça sonnait, c'est pour ça que j'ai pris le téléphone. Mais oui, moi ça m'a fait pareil, ça a téléphoné, ça a sonné en même temps que vous. Voilà. Moi je suis à Coursan dans l'autre. Patrick. Eh non, c'est pas moi Patrick. Patrick. Non, non, c'est pas moi, mais d'ailleurs moi j'ai pas dit Patrick, moi. Patrick. Non, non, ben écoutez, moi je suis pour rien, excusez-moi, mais moi je suis pour rien. Hein. Je ne vous ai pas appelé, monsieur. Allô. Oui, je ne vous ai pas appelé. Et qu'est-ce qui m'a appelé? C'est pourquoi ça a sonné alors? Ben, je me le demande, moi, hein. Ça a sonné chez moi en même temps que vous, chez vous. Ça a sonné chez moi en même temps que chez vous. Ah bon? Et vous êtes où, qui? Ben, je viens de vous le dire où je suis, à Coursan. Ah bon? Eh ben. C'est pas le premier coup, là, hein. Ça fait trois fois, là, dans l'espace de 10 minutes, que, ah bon, que j'ai des appels, et quand je décroche, ben, y a des gens qui se demandent pourquoi j'appelle, hein. Ah bon? Je vous demande aussi, il y en a un de plus. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas moi qui appelle. Hein. D'accord, mais je vous mets pas en cause, n'ayez pas peur. Hein. Non, non. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Oui. Allô? Je vous écoute, monsieur. Et moi aussi, je vous écoute, hein, c'est vous qui m'appelez. Eh ben, c'est non, c'est pas moi, c'est vous qui m'appelez. Pardon? C'est vous qui m'appelez. Ah, non, moi, ça sonne. Eh ben, alors, ça marche mal, hein, parce que ça fait deux fois comme un grand. Excusez-moi. De rien. Bello. Allô. Patrick. Nunimouté. Nialon. Allô. Allô. Oui, nialon. Oui, allô. Absolument, oui. Il est encore en ligne. Allô. Bello. Il ne parle plus. J'ai une bonne bite, là. Ouais. Ben, écoute, merci, Patrick. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Le monsieur est piraté, mais alors, est piraté. Putain, il y a les chiens, il y a tout, il y a la totale. Lui, il était super. Magnifique, famille, pour le double appel de ce soir. Si on a le temps, je vous promets, on prendra peut-être le temps pour en faire un autre avant minuit. Ah oui, ça vaut le coup. Ouais. On refera peut-être un double appel, mais chez les gens qui travaillent un petit peu plus tard ce soir. Ah ouais. Parce que les familles sont un peu plus dures à joindre après 10h. Bon, là, ça tombait bien. Il est quoi? Il est 21h51. Vraiment. C'est parfait, on est dans le bon timing. Et toi, are you ready? Mais oui, toi, tu vas gagner un beau cadeau, là. On te prépare un beau cadeau. C'était des bons numéros. Monsieur, c'est Monsieur X, là, qui nous a envoyé le. Non, c'est X-Men qui nous a envoyé X-Men qui nous a envoyé les numéros. Bravo à toi, X-Men. Tu mérites. Ah, très bien. Putain, les numéros qui défilent. Je vous dis, on pourrait se faire des nuits double appel sur Skyrock. Ah ouais, c'est clair. Mais malheureusement, on a d'autres choses à faire. On va s'occuper de Nassim. Ah oui, Nassim, qui a mal quelque part. On va s'occuper de lui. Il y aura du Jules dans une demi-heure. Jules arrive. Justin Timberlake a écouté. Vous voulez du SCH? Ouais. Mais on aura du SCH. On aura du Drake. Et puis vos places de foot également à gagner. Quel est le match qu'on va vous offrir ce soir? Bah tiens, je vous dirai dans un instant. Le match que vous allez gagner ce soir avant minuit, vous gagnez l'Euro 2016. C'est évidemment à gagner sur Skyrock. L'Euro 2016 avec tous les matchs dans toute la France. À choper J-2 et votre journal de l'euro pour tout savoir sur l'Euro 2016. Toujours là, Nassim? Ouais, je suis toujours là. Ouais. Toujours là. T'as pas des numéros de famille à côté de chez toi là? C'est bien quand vous les prenez dans le même immeuble. Ouais, c'est bien ça, ouais. Je vais y penser, je vous envoie ça dans Ouais, renseigne-toi, ouais. Pense-y, Nassim. Bon, c'est gentil de nous appeler, Nassim, d'autant plus que tu souffres ce soir, toi. Bah, ça, pour être en galère, je le suis. Eh oui, tu es en galère. Et tu es en galère de où, toi? Moi, c'est l'épaule. Tu sais que j'ai une tendinite à l'épaule gauche. Ouais, c'est reparti. Quoi, c'est reparti? J'ai les nerfs qui lâchent. C'est pas reparti, ça ne s'est jamais arrêté, ma tendinite à l'épaule. Non, mais demain, ça ira. Tu vas faire une radio. Je ferai de la radio de 6h à 9h pour le morning. Non, mais après une échographie. Ouais, une échographie pour voir si je suis enceinte. Peut-être qu'ils vont faire des infiltrations. Hein. Mais non, mais. Ah, peut-être qu'ils peuvent. Je te le souhaite pas. S'il y a un truc qui va pas, ils peuvent m'hospitaliser derrière. Bah, non, aussi, mais ouais. Pour une tendinite. Non, mais. J'ai vu, c'est écrit. C'est écrit sur Wikipédia, j'ai vu ça. C'est clair. Mais ils vont te mettre ta farbe chez les cinglés. Non, c'est pour l'épaule. Mais fais les chier comme ça, ta tendinite, ils vont te mettre de côté. Prenez un cachet, monsieur, vous inquiétez pas. Ça va aller mieux dans votre tête. Mais vont le toucher, ma crise. Nassim, toi qui as mal quelque part, est-ce que les gens autour de toi, ils sont aussi peu solidaires qu'ils le sont avec moi? Non, moi ils sont obligés d'être solidaires. Ouais, mais est-ce que t'es aussi casse-couille que Diffoul, Nassim? Je suis pas casse-couille. On va dire que j'ai une meilleure résistance à la douleur. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est parce que t'as moins mal. Diffoul est un faible. Mais non, c'est parce que t'as moins mal. Regarde, qu'est-ce que tu nous dis, toi, Kaj, qui nous fait « J'ai rêvé que Difou n'arrêtait pas de se plaindre avec sa tendinite. » Non, non, mais tu, mais tu ne rêves pas. Tu ne rêves pas. C'est la triste réalité. Non, mais demain, vas-y avec un micro. On non, mais tu vois, il y a des plaintes. Hein. Le banquier de Romano, ta gueule, Difou, tu me casses les couilles avec ta tendinite. Voilà, vous aussi, vous n'êtes pas super sympa, je trouve, ce soir. Mais enfin, bon, ça, quand même, quand vous voulez. Vous pouvez quand même nous appeler. On peut discuter de tout ce que vous voulez ensemble. Donc, toi, t'as mal où, Nassim? Alors moi je me suis fait enlever deux dents de sagesse aujourd'hui. Oh, bravo, magnifique. En anesthésie locale. Tu sais qu'il y a quoi, il y a 15 jours on avait un auditeur qui s'était fait enlever les dents de sagesse. Tout s'était bien passé. Il y a 15 jours, un mois après son opération, il nous rappelle, tout s'était infecté à l'intérieur. Et bam, une infection dans la gueule. Ouais. C'est le cas de le dire. Ah oui. Oh, putain. Donc toi tu en as peut-être une aussi, Nassim. Non mais c'est, tu l'as fait aujourd'hui là? Non, je l'ai fait aujourd'hui, ouais. Ah mais c'est normal que t'aies mal là. Mais non, le problème il est que vraiment la douleur elle devient insupportable et que je fais que de saigner. Ah bah, ça va, tu parles. C'est bien, t'as une hémorragie. Ah puis ça, le mal aux dents, ça te fait mal dans toute la tête, non, mais c'est insupportable. T'es très courageux toi aussi, dis donc, Nassim. Pour deux pauvres petites dents de sagesse. Non. Mais normalement, le médecin il t'a pas filé, parce que dans ce genre de cas, il te file des antidouleurs au cas où. Ouais, il m'en a filé, mais j'ai pas l'impression que ça soit très utile, quoi. Ah, c'est peut-être pas assez fort. Mais si ça saigne vraiment beaucoup, je te conseillerais quand même d'aller voir quelqu'un. Oui, avant de te vider de ton sang. Ça serait con que tu sois en train de faire une hémorragie. Mais déjà, c'est un truc de ouf, tu parles bien pour un mec. C'est vrai, on n'avait même pas remarqué que t'avais un truc aux dents là. Il y a Mathilde qui nous dit c'est normal d'avoir mal et de saigner le jour même, j'ai eu la même chose. Et ça m'a fait pareil, rassure-toi, ça va passer. J'ai eu ça, je me suis préparé la semaine dernière et j'ai une tête de hamster. Ah ah, lol, mort de rire. Bah tu vois, au bout d'une semaine, il a encore une tête de hamster. Ouais, mais bon, si la douleur, elle est vraiment insoutenable, il faut aller voir quelqu'un. Bon, qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal aux dents? Et dites-nous si vous un petit conseil pratique, petit conseil, je sais pas, comme le dit la Marie, une recette de grand-mère. Ouais, par exemple, ouais. Ah, si vous avez une recette de grand-mère pour Nassim, on va s'occuper de toi. Tu bouges pas, Nassim, 21 ans, Clichy, et puis vous tous, quelle que soit votre ville, votre âge, vous pouvez appeler, vous pouvez débarquer ici. C'est sur Sky, et c'est Calvin Harris et Rihanna qu'on écoute tout de suite. On parlait de fantasmes tout à l'heure, Valéa. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, t'offre 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock! L'Euro 2016! Ah oui, allez les bleus! Et écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. À Lille et Lens, Saint-Etienne et Lyon, Nice et Marseille, bien joué. Marseille, ça, c'est bon, ça. Bordeaux et Toulouse, et au Parc des Princes et au Stade de France. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Ouais, vous êtes les meilleurs. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Tous les 200-300 bornes, j'ai rencard au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits.s. Pas de stress, y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. Niska. Découvre le premier album de Niska avec entre autres des feats de Booba, Maître Gims, SCH, Gradure. Premier album de Niska, disponible partout. Dirty Papi, Jason et son grand-père n'ont rien en commun. L'un est un peu coincé. Chaque jour, ma carrière est en jeu. L'autre est de nouveau célibataire. Je veux pisser. Mais quand la ville est réunie, t'as déjà fait un spring break. Ils vont apprendre à mieux se connaître. T'es à poil. Ce soir, on va pécho. Zac Efron, Robert De Niro dans Dirty Papi, en Blu-ray DVD VOD avec Skyrock. Fifth Harmony, les cinq filles qui enflamment la pop. Retrouvez le tube Work From Home sur leur nouvel album 727. 727, le nouvel album des Fifth Harmony est maintenant disponible. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge de télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi, tu as reçu un Smax. Smax à ton tour, vite. Niveau 2, franchi, tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi, délivre la princesse de son célibat.

Eh ouais, salut tout le monde, si vous venez d'arriver, Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock. Le clash arrive dans un instant, clash de la drague, Cédric contre Romano, avec les stickers de la team Cédric et de la team Romano. Il essaye de monter une saloperie pour Romano là. Je ne comprends pas ce que tu dis, Marie. Bah, parce que en fait. Mais personne, je crois. Non, mais il parlait avec Clément. En fait, ce qu'il veut faire. Ça y est, je balance. Alors, mais j'arrive aussi, Marie. En fait, il lui a demandé. Bah quoi, il a pas entendu Romano. Ah, il, c'est Cédric, d'accord, ok. Oui, Romano. Ah oui, Cédric, pardon. Oui. En fait, il a demandé à Clément. Lui, Cédric, moi, Romano. Ouais, c'est ça, de faire un sticker, mais Tim le Belge pour mettre sur ta voiture à toi. Ah, badigeonner toute la voiture avec un grand sticker sur les portières. Ah, bah, y a pas de problème, j'ai des contacts dans les forces de l'ordre. Y'a aucun problème, tu veux t'amuser à ça, gros. Je te jure, je vais le faire. Ah, bah, moi, je te jure que je vais m'aller porter plainte derrière. Bon, avant de porter plainte, vous allez nous faire une belle démonstration de drague dans un instant, direction la France. Et vous allez devoir draguer les Français et les Françaises qu'on appellera en direct dans l'émission. Pris au hasard dans tous les annuaires de France, on s'occupera de ça. Avant minuit, le top bug. Avant minuit, le journal des Bleus qu'on attend tous. Ah, les dernières nouvelles. J-2 avant le match de vendredi soir à France-Roumanie qu'on suivra en direct sur Skyrock. Avec vous, chez vous, vous dehors, vous dans les stades et vous en direct dans l'émission. Grosse soirée, c'est parti pour l'Euro et ça va se vivre en direct sur Skyrock. Des places aussi à gagner encore ce soir pour l'Euro 2016. Avec le Crédit Agricole, on vous filera vos places pour les plus grands matchs. Tu as vu le match de ce soir? Bientôt les finales, les demi-finales, tout ça. Le match de ce soir? Non, j'ai pas regardé, attendez. Je vais jeter un œil sur le match qu'on va vous offrir ce soir et je vous annoncerai tout ça tout à l'heure. Gros match ce soir, attendez, je vous dis tout de suite. Oh là là là là là là, mais c'est la folie ce soir encore. Préparez-vous pour un grand match à gagner avant minuit. C'est promis, on fera tourner la roulette. Non, je maintiens un petit peu le suspense, c'est pas mal. On écoutera Jules, tiens, le nouveau Jules d'ici une demi-heure. On se fera Justin Timberlake, SCH aussi, tiens, on fera un SCH au choix. Prendrez celui que vous voulez, des SCH. Ah. Un extrait de l'album. Moi, j'écouterai bien, je la connais, moi, ce soir. Je la connais, on l'a passé hier, mais on peut le remettre. J'ai bien Champs-Élysées. Ou Allô Maman aussi, c'est bien. Ouais. Allô Maman, moi, tiens. Bah, écoutez, vous choisirez tout à l'heure, on fera le MHD au choix là, d'ici. Le SCH ce soir, d'ici minuit. Ouais. Et je sais pas si on aura le temps de mettre MHD par contre. Ah. On verra ça, d'ici minuit, il va s'en passer des choses, c'est sur Skyrock. Et pour Nassim, tiens, on a déjà des conseils pour toi Nassim. On va s'occuper de ceux qui souffrent des dents. Oui, c'est ça, les dents, oui. De sagesse qui s'est fait arracher Nassim. Deux en moins, bim. Deux en moins et t'as mal. Mais c'était aujourd'hui, c'est normal, il y a Pénélope qui nous dit les dents de sagesse. Ça fait mal le premier jour, faut pas te plaindre, quel douillet celui-ci. Ouais, hein, c'est profond. Ouais, t'es douillet. Je me plains pas surtout de la douleur, mais non, il y en a beaucoup. Ouais, ben non, mais si tu saignes trop, moi ça m'inquiéterait un peu quand même. Oui. Attends, moi j'ai aux urgences. T'es pas hémophile? Quoi d'autre? Hémophile, tu sais, c'est quand tu es hémophile, c'est quand t'as le sang qui est trop liquide, comme les rats. Ah ouais. Non, je pense pas, non. Genre par exemple, tu te coupes et puis ça cicatrise pas en gros. Non, je pense pas. Non, t'es pas hémophile. Ah, j'embrasse ton bras, Difoul. Merci à toi, Nana du 92, c'est très très gentil pour ton message. Vas-y, Nassim. Je vais avoir un petit problème parce que je vais devoir aller manger ma soupe là. Ah oui, c'est l'heure du retour. À la paille. C'est le retour. C'est ça. Ça va être sympa, c'est une gousse. Non, alors, puisque deux, trois conseils. Un conseil qui est revenu super souvent depuis tout à l'heure, c'est les clous de girofle. Alors, de mettre un clou de girofle dans la dent. Ah, non, mais c'est un truc. Non, non. Et ou alors une infusion de clous de girofle. Non, mais ça, c'est quand t'as des caries, quand t'as une rage de dents, ça. Ouais, c'est quoi, c'est pour la douleur? Ouais, franchement, mais ça marche trop bien. Une fois, j'avais mal à une dent. Putain, mais il y en a plein qui ont dit girofle. Ouais, c'est une recette de grand-mère. Ouais. Un peu dégueu, par contre. Ouais, c'est un peu dégueu, mais franchement, c'est dégueu. En fait, c'est tellement fort, tu sais, ça t'anesthésie à plus ou moins, quoi. Ah ouais. Et c'est vrai que ça marche bien. Ouais, ça marche bien, ça. Et des clous de girofle plantés dans un demi-citron, ça dégage des moustiques. Bon conseil pour tuer les moustiques. Recette, quoi. Tiens, Drika. Non, mais sérieux, ça marche trop bien. Moi, je mets ça chez moi, pas un moustique. Non, mais les clous de girofle, c'est un message sur deux, depuis tout à l'heure. Drika qui nous dit clous de girofle et les poches de glace pour les maux de dents. Ah ouais, prendre de la glace, ça diminue la douleur. Ah ouais, Bilout Girl des Alpes-Maritimes. Mettre des glaçons dans un gant de toilette. Tu fais comme ça. Ouais, c'est ça, tu te fais une poche de glace. De la glace, c'est tout court. Ah, Débol, lui, il a une super idée. Quand j'ai mal aux dents, je mets un coup de marteau sur les doigts, comme ça, j'oublie mon mal de dents. Un coup de marteau, c'est ouais, Non, mais toi, t'es un sadique. Non, il a raison. Toi, tu dois être un peu SM. Mais il détourne la douleur. Non, mais ouais, moi, j'ai déjà fait ça quand j'avais mal aux dents. Ouais. Je me Tu t'es mis des coups de marteau. Pas des coups de marteau. Mais t'es complètement ravagé, ma pauvre. Mais non, mais je me suis pincé fort. Mais moi, je plains tes voisins, c'est un calvaire d'habiter à côté de chez toi. Ils entendent des coups de marteau en pleine nuit, tiens, il y a la timbrée. Marteau, t'es malade. Ouais, ils t'entendent te pincer en pleine nuit. Hey, yeah. Marie qui pousse des hurlements chez elle. Tiens, la cinglée au-dessus, elle a une rage dedans. Tiens, un bain de bouche avec de l'eau tiède, sel et vinaigre blanc, c'est dégueulasse, mais pour moi ça marche quand j'ai des maux de dents, c'est bien. Qui se cachetonne la gueule à l'antidouleur jusqu'à demain et il verra si ça saigne encore. Ouais, faut pas en prendre trop. Hein. C'est gruissome, t'es pas à l'hôpital là? Parce que si t'es à l'hôpital avec Hussein, bon, ça va, t'es au moins tranquille. Ça serait... Ah, lequel, j'arrête sur le jour même. Bah, de toute façon, t'as fait ça chez qui? C'est un dentiste. Ouais, c'est le dentiste. Ouais, c'est ça. Non, mais si ça saigne beaucoup, je sais pas, t'es avec tes parents, t'es tout seul chez toi, comment ça se passe? Ouais, non, il y a mes parents. Bah, demande à tes parents ce qu'ils en pensent, et puis s'ils voient vraiment que ça saigne trop, allez aux urgences. Mais là, ça saigne en continu depuis que t'as quitté le dentiste? Depuis que j'ai quitté le dentiste, c'est-à-dire 19h. Mais c'est quoi? T'as des grosses quantités? T'es obligé de cracher tous les combien de temps? Putain, j'ai l'impression d'être... Bah, je peux même pas cracher, de toute façon. Mais le sang, t'en fais quoi? Tu l'avales? Bah, ouais. C'est un vampire. Ah, c'est dégueu, mec. Bon, en même temps, il reste en toi. Oh, comme ça, tu le perds pas. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai, c'est l'avantage. C'est ton sang, il est à toi. Hein. C'est... Non, mais c'est vrai, il est à toi. C'est ça, ouais. Bah, non, mais bon, moi, je dirais que si vraiment ça continue, c'est que c'est pas normal. Ouais. Voilà mon diagnostic. Bah, ouais, je suis pas là d'être d'accord avec toi. Tu veux faire cicatriser, tu bois de l'eau froide ou tu fais des bains à l'eau froide avec des glaçons, on nous dit. Moi, c'est rhum, c'est du rhum chaque fois que j'ai mal. Ah, ouais, technique à l'ancienne, ça. Ouais, j'ai de la vodka aussi. Ça, tu vas hurler de douleur. Ouais. Si t'es pas habitué à boire de l'alcool, tu vas être bourré. Ouais. Et tu vas hurler de douleur parce que sur les plaies, ça va te brûler. Non, mais... tomber. Et sinon, ça va aller, merci. Niveau douleur, j'en ai vu. Ça va. Ça. Non, mais si t'as mal aux dents du fond, ce que tu peux faire, c'est prendre une clé à molette et t'arracher les dents de devant. Ah, oh, mais n'importe quoi. Comme ça, tu détournes la douleur sur d'autres dents. Mais c'est quoi cette idée de merde? Ah, c'est une idée que j'ai eue. Bon, bah voilà, écoute. Ouais, bon. Sinon, à l'ancienne, avec un fil, tu sais, accroché à une porte, là. Et tu tires. Ah, ouais. Et tu tires la porte. Ah, bon, bah, c'est dangereux de ravaler son sang, pourquoi? C'est Vive le Sud qui nous dit ça. J'aimerais qu'il m'explique pourquoi. Ouais. Et Baptiste, lui, c'est un bon joint pour la douleur, ça le calme. Bon. C'est interdit, malheureusement. Eh oui. Ouais. Et ouais. Bon, bah, écoute, Nassim, bon courage à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Mais, le premier jour, c'est normal que ça fasse mal. Et pense à Difool qui, lui, a vraiment mal. Merci, Kaji. Merci pour ton message. Lui souffre en douleur. Voilà. Et si ça saigne, c'est Antoine qui nous dit ça. Compresse. Sinon, ça reste ouvert. Ah ouais, donc tu mets une petite compresse. Ah, tiens, et Vincent nous fait une petite compresse imbibée d'eau froide. Et ça marche. Et s'il avale trop de sang, il va finir par vomir parce que le sang, ça se digère très mal pour Rémi, 23 ans. Ah merde. Bah, quand on bouffe du boudin, moi, je le digère bien, moi, alors que c'est du sang. Ouais, mais il est cuit. Je pense que c'est pour ça. Ah, c'est peut-être ça. Fais-le cuire avant. Ouais. Ouais, fais cuire ton sang. Fais cuire ton sang, fais. Fais un petit boudin. Et pas d'aspirine parce que ça fluidifie le sang. Ah, ben non, ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Je suis cicatrisé, ouais. Bon, bah écoute, mais bon courage, Nassim. Merci du coup de fil. Merci beaucoup. Salut, Nassim. Ciao. C'est possible d'avoir une photo de l'équipe? Oui, on va te la faire même maintenant. Tu vois, ma photo, une photo très belle avec mon bras en écharpe. C'est super, merci beaucoup. Celle-ci, elle est collector. C'est reparti. Merci beaucoup. Quoi, c'est reparti? On a pour un petit moment. J'explique comment je serai sur la photo. Ouais, bah. Comme on a la radio, vous savez peut-être pas que j'ai un bras en écharpe. Je pense que tout le monde est au courant vu le nombre de fois où on en parle. Ouais, il a pas trop dit encore. Non, j'ai pas trop dit l'histoire. Salut Nassim, et on t'envoie un t-shirt Skyrock aussi à la maison. Merci, ciao. Ciao mec. Salut Nass, ciao. On a Ben qu'on va prendre au téléphone avec nous. Il est où Ben? À Paris. Et puis juste après, on attaque votre double appel, Cédric. Non, le clash. Non, le clash, j'y Ah oui, et puis avant minuit, on fait un double appel chez les gens qui bossent. Okay. Donc on va faire des petites catégories. Catégorie les endroits où on bouffe, catégorie les endroits où on se déplace, où on dort. Les endroits où on dort, les hôtels si tu veux. Qu'est-ce que t'avais dit? Qu'est-ce qu'on avait station comme catégorie service. Station service, oui. Les voilà. Épiceries. Et les endroits où on boit pour Marie. Les bars. D'accord. On a déjà 5 catégories. Et la sécu aussi, on a oublié les gens qui bossent en sécu. Ouais, sécu. La sécu. Donc on se fait ça avant minuit. Double appel chez les gens qui travaillent ce soir. D'ici minuit, mais avant ça, Ben, comme je vous le disais, Ben. Ben oui. Ouais, Ben. De Paris. Salut Ben. Salut l'équipe, ça va? Coucou. Ça va, et toi Ben, bien? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Eh ben, t'es tranquille, sois le bienvenu sur Sky, Ben. Donc, merci. T'as 26 ans, toi, t'es parisien. Ouais, ça. C'est ça. Et pour Karim, j'ai un petit message. Alors, Karim, un petit message pour toi. Bon appétit, Karim. Super gros, attends, je finis de manger ma salade. Un bon tour de France. Oui, voilà. Attends, je vais dire un petit Karim, un petit allez l'OM. Ah vas-y, fais-lui un allez l'OM. Allez l'OM. Bah allez l'OM. Ah mais il était pété un peu toi. Ouais, c'est vrai que cette année c'était pas votre année l'OM. Mais faut retrouver un peu la pêche hein, les Marseillais. Comme ça les Marseillais. Oh, réveillez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, en ce moment Marseille et Paris, on est dans le même truc, on est tous les deux à la recherche d'un entraîneur. Ouais, ça y est. On va se faire racheter par un gros émir ou quoi, on va vous faire n'importe quoi. Vous, c'est des Iraniens, vous. Ouais, les Iraniens. Ils sont, ils ont viré Laurent Blanc, c'est définitif ou pas? Ça y est, ils vont le virer. C'est pas officiel, mais ça va être. Non, mais on a annoncé ce matin qu'ils allaient le virer, mais c'est pas toujours pas officiel. Ouais, ouais, non, c'est toujours vrai. Pas. Toujours pas officiel. Et ils ont trouvé le nouveau mec? Ouais, le mec de Séville, ouais, celui de Séville qui a gagné trois fois l'Europa League. Ouais. C'est pas Unai Emery. Il s'appelle comme ça, il me semble. Oui. J'ai envie de te dire ça, Afturkum. Eh ben, pas la Kalaoufik. Je sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs de changer d'entraîneur. Enfin, on verra l'année prochaine. Ah, je pense que c'est une bonne idée. Non, mais le pauvre Laurent Blanc. Ils veulent tout changer en fait, pas que l'entraîneur là. Ouais, bah ils ont une équipe qui marche. Nouvelle ère pour le PSG. Ouais, mais comme il a dit Ibrahimovic, il aurait pu rester 5 ans de plus et jamais rien gagner quoi. Ils sont atteints leur maximum en fait. Donc là, faut tout changer pour repartir. Là, je peux dire que ça va cracher du chèque là. Ouais, bah ouais. Ouais, ah, ça va cracher du blé. D'ailleurs, s'ils veulent des conseils, moi je fais consultant pour le PSG sans aucun problème. Ouais, pas de problème. Moi j'aime bien faire la mascotte. Je fais mascotte du PSG. C'est quoi leur mascotte? C'est quoi votre mascotte? C'est la Tour Eiffel. Non, mais il y a un truc sur la. Non, mais il y a un bonhomme qui doit se déplacer. Un petit bonhomme, ouais. Un petit bonhomme. Mais je sais pas, je sais plus c'est quoi. En forme de Tour Eiffel peut-être. Bon, là, le journal de l'Euro tout à l'heure, à pas louper. Et toi, Ben, tu nous appelais pourquoi? Dis-nous. Alors en fait, moi ça fait quelques temps que je prends le bus en rentrant le soir après mon travail. Et en fait, je tombe toujours sur la même meuf, tu vois. Et du coup, bah, à chaque fois, on commence à se voir, des regards et tout. Et puis un jour, je commence à lui parler et tout. Et ce soir, en fait, j'ai vraiment beaucoup parlé en entendant le bus et après dans le bus. Comment t'as réussi à choper le numéro dans le bus? Parce que c'est intéressant pour ceux Bien joué. Pour ceux qui voient une meuf tous les matins dans le bus et ils se disent, bah, j'ai la voir. Je lui ai parlé et avant qu'elle arrive à son arrêt, je lui ai dit, bon, bah, j'ai donné mon numéro. Mais comment t'as utilisé quoi comme sujet de conversation pour l'aborder? En fait c'était drôle parce que la première fois où je l'ai abordé, c'est qu'en fait moi je mets mes pieds, je suis un peu crasseux, je mets mes pieds sur les sièges en fait. Et du coup elle était venue, elle m'a fait la remarque, elle m'a dit c'est dégueulasse, tu mets tes pieds sur les chaises, tu vois. Ah, ça a commencé avec une prise de tête, c'est mignon. Et du coup j'ai rigolé avec elle, j'ai fait ouais tout, désolé et tout, bah, je l'ai enlevé du coup. Et voilà. Et quelques temps plus tard, genre je suis allé la voir, j'ai fait en fait c'est toi qui m'avait engueulé comme une daronne et tout, parce que t'avais gagné sur les chaises et tout, elle m'a fait ah bon c'est moi et tout, je fais ouais c'est toi, je me rappelle, c'est du dessin ça et tout. Au moins vous avez un sujet en commun, ouais. Et voilà, et du coup on a parlé ensemble et tout. Et après là ce soir je lui ai vraiment parlé, je lui ai donné mon numéro, là on se parle par SMS et tout. Et voilà, il y a un truc en fait, c'est qu'elle a 10 ans de plus que moi en fait. C'est pour ça qu'elle se prenait pour ta daronne. Moi quand je l'ai vu, je pensais pas, tu vois, je pensais qu'elle avait peut-être 30 ans maximum, tu vois. Je me mets debout sur les sièges du bus. Ah, c'est une bonne idée. Voilà, puis là, t'as les contrôleurs qui arrivent et puis c'est l'amende. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Vladimir qui nous laisse le message. Il y a un vieux, il va tirer le truc d'alarme. Il y a un jeune, il y a un voyou. Il est debout sur les sièges, c'est pour draguer une meuf. Le bus, il va piler, il va se péter la gueule. C'est ça, il va se retrouver dans le pare-brise. Un mec, un peu de chance, il se retrouve dans les bras de la meuf, couché sur elle, magnifique. Ou alors il tombe sur la vieille d'à côté, ouais, là, c'est moins magnifique, là, ça c'est clair. Non mais c'est marrant ta technique, tu en plus. Ouais, bah en fait c'était pas du tout voulu en fait. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est un petit coup de hasard. Un petit coup de hasard, ouais. Et donc toi, elle me plaît bien, quoi, elle est vraiment mignonne et tout, mais sauf qu'elle a 36 ans, donc du coup je veux savoir si voilà, c'est pas bizarre. Parce qu'en fait mes frères en fait ils ont stage d'un en fait. 26, ah ouais, c'est du coup. Oui, bizarre quoi. Mais bon, 26, 36, c'est pas non plus. Regarde Cédric, il avait 19 ans quand il s'est dépucelé, il sortait avec une meuf, elle avait 49. Hein. Elle est dans l'état où elle était aussi. Ouais. Bah, pourquoi Cassos? Vous dites ça tout simplement parce qu'elle a sucé tous les jeunes du quartier. Avant lui. Elle les a tous dépucelés surtout. Oui, alors, ça vous choque vous? Bah ouais, bah surtout, non, quand normal, dernier, tu sais. Surtout quand t'es le dernier à passer, ouais. C'est ça. C'est vrai, donc différence d'âge, bon, 26-36, ça me choque pas. Après, c'est à toi aussi de voir comment tu vas gérer ça. Moi, si y a moins qu'elle gère, je pense que je la gérerai, quoi, mais c'est pas après, ce sera plus tard. Après, faut juste espérer qu'elle soit pas dans le délire, ouais, il est plus jeune que moi, c'est un gamin. Ouais, non, je pense pas. Mais elle le sait. Tu vois, toi, en fait, j'ai donné mon numéro et celle qui m'a direct écrit un message ce soir, en fait. Elle m'a écrit, là. Non, mais ce que disait peut-être Romano, c'est qu'elle te prenne pas la tête toute la journée en se prenant pour un enfant, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, alors. Attention à tes pieds sur la banquette, s'il te plaît. Mets pas tes coudes sur la table quand tu manges. Tu vois? Ouais, ça foutrait les bouts. Oui, puis il est 9h, faut aller te coucher. Non, mais ça, c'est pas possible, ouais, c'est insupportable. Ouais, c'est vrai que là, oui. Il faut aller te coucher, Ben. Mais maman va te raconter une histoire. Elle sait que t'as 10 ans de moins qu'elle? Oui, c'est ça. Ah oui, je l'ai dit, en fait, c'est pas ça le piège, parce qu'elle m'a dit, t'as quel âge? Et moi, en fait, je crois qu'elle avait 29-30, et du coup, j'ai fait, moi, j'ai 26. Et après, elle m'a regardé, genre, après, moi, je lui ai fait, Mais pourquoi t'as quel âge? T'as 29-30. Elle me fait non, j'ai 36. Du coup, j'ai fait oh putain, ma tête, j'ai rien dit quoi. J'ai rien bah, dit, déjà, ça a dû lui faire plaisir que tu la considères plus jeune. Non, mais c'est certain. Et ouais, t'imagines, ah putain, ouais, je te donnais 15 ans de plus, dis donc. Ça, c'est vrai. C'est... Non, mais elle a dû, ouais, tiens, elle a dû le prendre comme un compliment. Elle a dû dire, hein, je fais jeune. Oui, c'est ça. Non, mais certainement. Ouais. Pour les femmes d'un certain âge, c'est toujours agréable. Oui. Enfin, un certain âge, 36 ans, ça va. T'es pas... Non, mais bon, non, mais à 36 ans, ça fait plaisir que la meuf, on lui dise, ouais, t'as 29-30 ans. Ouais, c'est à cet âge-là. Quand t'as 18 ans, t'as rien à foutre qu'on te dise, si, ça te, mais limite, ça te fait pas plaisir qu'on te dise, oh, mais tu fais 14 ans. Ah ouais, ça, ouais, ça fait chier, ouais. À 36 ans, ça te fait plaisir qu'on te dise que t'en fais 30. Pas faux. Eh oui. Donc, Ben, ouais, vraiment, chapeau bas, hein, tu nous as fait. Non, mais là, franchement, belle démo. Hein. Maintenant, il y a plus qu'à faire ça, mais non, même. Belle démo, ouais. Ah, mais c'est bien parti, apparemment. Non, mais habite à bouffer quelque part. Va... Mais en fait, il y a un deuxième truc, en fait, que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai appris aussi. Là, quand on parle loin, c'est qu'elle a un mec, en fait. Ah merde. Ouais, mais attends, avec les messages qu'elle t'envoie, je pense qu'elle va pas le garder longtemps, son mec. Hein. Mais ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'elle m'a dit, c'est que c'est compliqué avec elle, en fait. Je te dis, moi, attends. Ah, bah, c'est bon, t'arrives en plus à la bonne période. A priori, ça parle. Ah, ouais, puis en plus, elle te le dit, donc c'est qu'elle intéresse. Mais toi, c'est quoi ton projet avec elle? La nickel, en plus. Ah, mon projet, ouais. C'est un premier temps. C'est ça. C'est la première mission. Romano, il a tout compris, c'est ça mon premier projet. Ah, bah voilà. On verra après. Ouais, ouais. Moi, je me prends pas la tête, quoi. Non, mais t'as raison, c'est le mieux. Ouais, en plus, elle a un mec, donc essaie juste de la déglinguer. Non, mais par rapport à son mec, elle va le dégager. Ce qui est cool avec son mec, c'est qu'il travaille de nuit, donc à 21h, il s'est barré de chez lui, donc je peux aller. Ah ouais, direct. Ah bah dis donc. Tu vas se passer de belle dans son lit pendant que le mec il va être dans sa cabane de cité. Tu vas se permettre dans ses draps, c'est génial. Le mec il va bosser toute la nuit pendant ce temps, il y en a un qui va bosser sur sa femme. Ah, c'est clair, c'est toi. Il va venir se coucher, putain, c'est un peu collant ici. C'est chaud, c'est chaud. Tiens, j'ai 20 ans et ma meuf elle a 30. 10 ans d'écart, ça se vit très bien. Ah bah tu vois, regarde, oui. Petit message de Five sur SMS. Ouais, 10 ans d'écart. Mais en fait, ce qui me fait bizarre, moi, c'est que généralement, c'est un peu con ce que je vais dire, mais parfois, c'est les mecs qui sont plus vieux que les filles, tu vois. Et du coup, de dire que le mec, il est plus jeune de 10 ans, ça fait bizarre, enfin, je sais pas. Non, dedans... mais c'est les cougars, ça, les cougars aiment. Ouais, les cougars, c'est sûr, d'accord, c'est encore plus vieux. C'est encore plus âgé, ouais. C'est une cougar en devenir, elle. Elle a pas d'enfant, on me demande là, sur les messages. Non, j'ai demandé, ça m'a fait plaisir. Oui, ça t'a soulagé un peu. Ouais, parce que c'est déjà plus difficile. La gérer. Non, moi je pense que ça va bien se passer ton histoire maintenant. Faut que tu passes à l'étape supérieure, faut que tu l'invites à bouffer ou passer une soirée ensemble pendant que son mec bosse. Hein? Ouais, faut juste que le mec grille pas vos messages parce qu'il pourrait te dérouiller la gueule aussi. Éventuellement. Ouais, tiens, je suis assez stock donc j'ai pas très peur de ça. Bon, bah nickel. Tiens, il y a Chegay qui nous laisse un message. Chegay, moi j'ai 20 ans et ma copine elle en a 42. On est très heureux ensemble. On va même avoir un enfant. Ah ouais, putain. Et mes fallait pas tarder non plus de toute façon. À 42, ouais. Et mes parents l'ont accepté, tu vois. Alexou, alias Chegay sur les messages. Eh oui, tant qu'il y a de l'amour. Tiens, Marie, je voulais te demander. Babou, même chose, voilà, petite différence d'âge de 7 ans pour toi, Babou. Et pour Marie, j'ai une question, Marie, elle avait un jeune de son don. Ouais, voilà, ouais. Bah, tiens, Karim, il avait une question. Vas-y, dis, n'hésite pas, vas-y, gros. Ouais, s'il y avait un jeune qui draguait Marie, je sais pas, de mon âge, quoi. Je me ferais sauter tout de suite. La Marie, elle se fait tout de suite. J'ai jamais eu de mec de 10 ans de moins. Grosse bite ou pas? Pas 10 ans, Marie, mais peut-être 8 ans ou quoi, c'est pareil. T'as jamais eu de mec de 10 ans de moins, Marie? Je suis en train de réfléchir. Et le mec de 20 ans que tu te tapais? Moi, j'ai un pote à moi qui te canne et il est plus jeune que toi. Ouais, mais c'était un plan cul, ça. Ah oui, comme ça, tranquille, quoi. Non, mais je veux dire, je vivais pas avec lui, tu vois. Non, mais oui, mais il déglinguait quand même. Donc, c'est plus facile. Dans tous les cas, il gibonnait. Moi, je suis déjà sorti avec une fille, elle avait 30 ans de moins que moi. Record à battre. Voilà. Ah non, du tout. Impossible. Voilà. J'adorerais lui changer ses couches. Oh putain, ça. Parce qu'elle avait des belles couches. Ah ouais. Il a serré dans le ramassage scolaire. Ça devient dégueu là. Jamais de la vie. Tu lui donnais ses petits pots. Voilà, j'étais l'assistant d'Émile Louis. Romano. C'est toi, t'étais son cousin. Oui. Voter Romano, en fait. Ah, merci. Toujours, hein. Merci. Je suis un fidèle fervent de la team Romano. Eh ben, merci, mon pote. C'est grâce à toi qu'on y arrive. Moi je trouve ça, je serais vous, j'attendrai de voir les démonstrations et je voterai tout le temps pour le meilleur. Exactement. Non, toujours voter pour Romano. Toi poteau, le mec il va crever avec sa meuf, tu vas te faire déboîter. Tu vois ce qui va t'arriver. Non mais Ben, moi je suis sûr que ça va marcher ton truc, donne-nous des nouvelles rapides. Moi je suis pas sûr. Non mais évidemment que ça va marcher. Dès que la déglingue, je vous rappelle. Ah bien. Tu penses à une petite vidéo pour nous, hein. La classe. Au passage. Ouais. On n'a pas de nouvelles de notre déglingueur sur vidéo, Amaré. lui. Ah ouais, à Marais, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais. À Marais, c'est la tour de la Guélamiche, là. La cougar. Non. Non, non, non, c'est Amaré, c'est le Lillois qui est marié, qui dézingue, qui a 26 ans, je crois, et qui une armoire à glace, ouais, qui a un abonnement dans une chambre d'hôtel, qui a une armoire à glace et qui pilonne tous les jours, plein de meufs, ouais, tous les jours. C'est un boxeur, ouais. À Libis, il s'est même fait expulser tellement la meuf elle gueulait. Il a cassé son pieu aussi, ouais. Ouais. Aussi. Bon, tiens, Marie, en fait, j'ai une petite blague pour toi, pour le Karim Kodemidi Show là. Voilà, vas-y. Vas-y, balance. Marie, tu connais la minute, la différence entre une minute de sodomie et une minute de fellation? Ah putain, ouais, tu as déjà fait celle-ci. Bah alors, t'as deux minutes, Marie? Non, je sais pas, vas-y, dis. T'as 2 minutes? Ouais. Marie, en plus, elle dit oui. Oui, j'ai 2 minutes, toi. Ouais, bien sûr. Je suis là jusqu'à minuit, moi. Salut, Ben. Bah tiens, elle m'invite à boire un verre tout de suite. Ah bah, je te la repasse tout de suite. Bah vas-y. Elle m'envoie un texto. Ah, c'est la meuf qui a acheté. Oui, pas moi. Ouais, c'est la meuf, elle m'envoie un texto. Marie a entendu boire un verre, elle croyait que c'était pour c'est elle. C'est toi qui as entendu verre. Ah putain, ah, dommage. Elle t'invite à boire un verre. Bah voilà, c'est fait. Bah, bon. Ah, mais c'est clair. Bon, Ben, on te retrouve. Je pense qu'on va t'en trouver très rapidement, toi. Peut-être même ce soir. Peut-être avant minuit, ouais. C'est clair. Bon, bah reste dans le coin, Ben. On t'en prend tout de suite. Et réponds-lui vite à la dame. Bonne soirée, Ben. Salut à toi. Le clash arrive dans un instant. Les méthodes du jour, c'est quoi, Cédric, ta méthode? Moi, c'est la méthode de la poupée gonflable. J'avais une poupée gonflable, je l'ai éclatée. Ah, putain, moi j'en ai marre. Le mec qui fait toutes mes méthodes, c'est abusé quand même. Un fou, toi, quoi. Il a crié au scandale. Non, mais ouais, là ça va au bout d'un moment. Mais quand tu l'as fait, ça? Bah, je l'ai fait, je l'ai déjà fait, gros. Non mais tiens, je me souviens pas. Bah vas-y, alors dis-moi par exemple, tiens. Alors en 2014, le 12 octobre, t'as fait mais t'as fait toutes les méthodes, le mec. Non mais celle-là, je l'ai déjà fait. En plus, Difool, il le sait très bien. C'est pour ça que je souriais, je rigolais. Bah c'est une méthode comment? Bah moi, je fais une méthode euro. Au moins, je l'ai pas fait. Ah bah j'ai jamais fait ça, tiens. D'ailleurs, l'euro, tu l'as fait pour tu l'as fait quand? C'est en 2016. Bah si, j'ai fait il y a 4 ans. Bah je l'ai fait il y a 4 ans. Voilà. C'était dans quel pays? Je sais plus, mais j'ai fait 4 balles. Allez, remballe. Allez, le clash arrive dans un instant. Et Jules, je vous l'avais promis, il est là tout de suite. Il y a Laurine aussi qui arrive avec nous. Tiens, on va lui dire bonjour, Laurine, du 39, 18 ans. Salut, Laurine. Ah bah ouais, l'Euro 2006, t'as oublié que je l'ai fait la dernière fois, là. Salut, là, Laurine. Oula, bah parle bien dans ton téléphone quand on t'entend bien, Laurine. Là, ça va mieux? Magnifique. Oui. Et bien, tu restes avec nous, Laurine. Et puis, dans un instant, on te retrouve en direct avec nous sur Sky. Et Jules, okay. Emotion, extrait de son nouvel album. Et écoutez bien. Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, t'offre 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock! L'Euro 2016. Ah oui, allez les bleus. Et écoute Skyrock à tout moment. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Merci. À Lille et Lens, Saint-Etienne et Lyon, Nice et Marseille, bien joué. Marseille, ça, c'est bon, Bordeaux et Toulouse, et au Parc des Princes et au Stade de France. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Ouais, vous êtes les meilleurs. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Tous les 200-300 bornes, j'ai recas au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits.s. Pas de stress, y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. Dans la campagne picarde des années 70, un médecin congolais s'installe avec sa famille. Face aux préjugés, ils vont tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois. Bienvenue à Marly-Gaumont. Une comédie tendre, décapante et irrésistible d'après Le Parisien. Bienvenue à Marly-Gaumont, un film de Julien Robaldi avec Marc Zynga et Aïssa Maïga d'après l'histoire vraie de Camille. Actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Hé, hey, les nouvelles baskets en rouge, t'en penses quoi? J'avoue, elles sont stylées. Je te jure, j'arrive pas à me décider. Poste ta photo sur Yax, tu vas savoir direct si t'as le swag. Ah ouais, bonne idée, je fais ça direct. Ça y est, c'est posté. Regarde, il y a déjà plein de commentaires. Je t'ai dit, en rouge, elle déchire. Merci le peuple Yax. Yax. Yax, l'appli qui répond à toutes tes questions. Le nouvel album de DJ Case est déjà disponible avec Gradure, Franco, Mr. You, Screech et aussi Caris, Keina Samet, Souf, MRC et la participation des Dégains. DJ Case à écouter dès maintenant sur Apple Music. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Capture, le crossover ultra personnalisable et sa compile d'équipements. Airlink avec écran tactile, caméra de recul. Renault Capture est à partir de 169 euros par mois, sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end.

Non, vous en faites pas, vous serez les premiers au courant. Eh bien, merci à toi, Amaré. N'hésite pas à les vidéos. Merci aux auditrices de Skyrock. Salut, Amaré. Salut, Amaré. Il y a des meufs, elles veulent son Facebook ou savoir où te contacter. Vas-y, redonne ton, ton adresse sur. C'était quoi sur Viva? Il a pas Facebook, il a dit. Non, mais sur Viva, c'était quoi ton nom? Amaré. Ouh, ben c'est Amaré, tu vas trouver, c'est Amaré en fait. Amaré. Ils cherchent sur Viva Street, Amaré vont trouver quoi. Voilà, A-M-A-R-E. Vous pouvez pas le manquer. Amaré, ou alors. Ou alors sur OneOnce, c'est encore plus simple. Ah bah voilà. Sur OneOnce. Elle n'en sait pas là, il va te faire tous les sites de rencontre. Il est partout. Dans une heure, il va te dire les autres sites. Vous tapez le pilonneur, c'est bon. Amaré, son ramadan lillois. Salut Amaré, ciao. Ciao mec. Salut. Ciao ma gueule, bon courage Amaré. Salut à toi. Bisous. Merci. J'espère Amaré. Je vous aime tous. Et t'as pas peur comme toi aussi. Et t'as pas peur que ta femme te. Parce qu'il y en a qui nous dit ça là, mais sa femme va découvrir ça un jour ou l'autre. Vivement que tu te fais avoir, que tu te fasses savoir par ta femme, nous dit Momo. Ah, c'est un mec. Un jour, il va nous appeler, ma femme, elle m'a grillé, merde. Non, non, ça risque pas, elle est bien, elle est dans son confort, elle fait ce qu'il lui faut. Ah, bah, quel problème, ouais, bon, elle aime pas ça, elle aime pas ça, elle aime pas ça. Bah, bon, bah, voilà, quoi, je vais. Non, mais fais attention quand même. Bah, elle aime pas ça, tu vas aimer. Fais gaffe, la notoriété, ça peut poser des problèmes. Demande à Nabila. Bah, ouais. Eh, ouais. Salut Amaré, raccroche pas. Ouais, mais ça va, je gère les moyens coups de couteau, ça va. Oui, c'est mieux. Salut Amaré, ciao. Ciao. Laurine. Elle arrive dans un instant, Laurine. En direct avec nous et avant ça on avait promis le clash de la drague, c'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Ils sont là. Eh ouais, on est là. Cédric et Romano pour le clash de ce soir. Avec deux techniques qu'on va tester d'ici quelques instants. La poupée gonflable de Cédric. C'est ça. Il est monté dessus, la poupée gonflable va supporter, elle a explosé. C'est ça. Eh oui, c'est ça, exactement. Et de l'autre côté, la méthode euro. Ouais. Des méthodes pour l'euro, il faut nous en trouver plein parce que ça va durer pendant un petit moment l'euro. On a un mois d'euro là, j'ai fait la dernière fois surtout. Oui, mais il faut trouver des méthodes. T'as plein de méthodes pour l'euro. Bah là, oui. Ça va être une différente. C'est quoi ta méthode? Ah bah c'est la méthode. Là, je suis l'amant de la femme. Ah. Et du coup, vu qu'il y a l'euro qui va démarrer, je vais regarder tous les matchs, j'aurai moins le temps de venir la baiser, donc je vais venir lui mettre sa tournée ce soir, quoi. Très bien. Et donc Cédric et sa poupée gonflable qui explose. C'est ça, ouais. Eh bien, c'est parti. Vous savez comment ça se passe. On prend des numéros au hasard dans l'annuaire. Ils appellent et il faut qu'ils séduisent. Et ça, ils savent le faire. Faites un aussi bon clash que lundi, on nous c'est dit. C'est ma spécialité. Ouais, non, mais on va faire un autre. Non, c'est contre... Charles Villeneuve qui moi, je vais la faire message. Autrement, moi. Lundi, c'était très bien. Lundi, ça t'a plu? Ah, bah ouais, j'ai gagné. Romano, il a préféré le clash de vendredi ou alors le super clash de dimanche. Ouais, aimé. Ah ouais, j'ai kiffé celui-là. Je sais pas, j'étais pas là, moi. Il a fait 87%, je crois. J'ai oublié ça. Allez, c'est parti. Là, on te le rappelle, c'est pour ça. Non, mais j'ai pas besoin de savoir. Cédric, une famille. Allez, moi, je vis dans le futur, mon pote. Tu vas chez Robert, déjà. Et je vous dis pas si on fait un tour, deux tours. Ou 10 tours. Je vous dis rien. Je déciderai pendant le clash de ce soir. Et n'oubliez pas que nous avons les autocollants, les stickers. Les stickers Team Romano et Team le Belge. Ouais. Qui nous étaient amenés par Clémence. Ouais. Merci Clémence, parce que Clémence est un peu gonzesse. Un peu l'américain. Ouais, c'est vrai. Clémence. Alors, c'est parti pour toi, Cédric. T'entends que ça sonne, ça ne veut pas te répondre. Ouais, c'est le temps que la famille elle décroche. J'espère que c'est pas de mauvaise augure. Non, ne porte pas la poisse. Soyons positifs. Oui, bah oui, il faut être positif. Comme au dernier clash où j'ai gagné. Allô, Alain. Oui. Alain, comment ça va, ma poule? Ça va. Ah ben, ça va, ouais. Enfin, moi, ça va moyen. Je voulais t'appeler parce que j'ai éclaté ma poupée gonflable là, hier soir. Donc, du coup, ce soir, je suis un petit peu en galère. Je voulais savoir si tu pouvais me prêter ta femme. Bah, faut bien que je la remplace, hein. Bah, Et il paraît que c'est une sacrée coquine, la tienne. Bah, t'as qu'à croire, oui. Bah, ouais. Je peux venir à la maison? Ouais. Ah bah nickel, écoute, j'arrive dans 5-6 minutes, là, je prends 2-3 capotes, un peu de lubrifiant, puis bah je vais lui faire l'amour. T'as qu'à faire. Il y a une position préférée ou un truc qu'elle aime bien? Il y a un truc qu'elle kiffe? Allô? Oui. Ouais, il y a un truc qu'elle aime bien en particulier ou pas, Alain? Ah bah oui, bien sûr, oui. Une levrette, une sodomie, dis-moi. Le tout, ah bah cool, je vais lui faire la totale. Tu veux que je te fasse la totale à toi aussi ou tu vas juste regarder? Parce que j'aimerais que tu prennes des photos aussi pendant que je lui fais l'amour. Ça dépend comment t'es. Ah bah écoute, tu verras mon coco. Je suis plutôt bien foutu moi. 1m78, beau gosse, cheveux bruns, étalons bien. Je peux te dire qu'entre les jambes j'ai ce qu'il faut quoi. Allô? Oui. Ouais. Bon bah écoute, j'arrive dans 5 minutes. Ok. Le temps que tu te touches un petit peu la nuque pour t'exciter. Puis bah je te fais l'amour à toi aussi, d'accord? À tout de suite mon petit Alain, bisous. Et voilà. Et voilà, c'est bien Cédric. Tu vois, quand tu prends les méthodes de Romano, ça marche mieux. C'est pas les méthodes de Romano, c'est la mienne, t'es gentil. Si, c'est Séverine qui nous envoie le message. Bah écoute. Ah, c'est sûr qu'en volant les méthodes de Romano, ça marche mieux. Bah bien sûr. Et tu te prends pour un Apollon, quoi. Bah bien sûr, Marie, attends, écoute, tu veux que je te montre? Elle te voit, je crois. Elle a déjà eu sa dose. Tiens, Romano, soir, il va faire ma méthode aussi, vu que j'ai fait l'euro la dernière fois. Non, mais l'euro, il y a plein de méthodes. Allô. Allô. Oui, bonsoir, c'est la femme de Nicolas. C'est qui? C'est Jean-Louis, là, l'appareil. Il est là, Nico? Oui. J'aurais voulu lui parler. S'il te plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? À bug. Ah, t'as bugué. Il est déstabilisé. Allô? Mais est-ce qu'elle a compris? Je crois pas. La femme à Nico? C'est possible qu'elle ait pas compris, c'est parce que nous on te connaît. On arrive à peu près à traduire ce que tu t'es arrivé. Non, mais attends, après je l'ai bien vachement bien dit. Ah, ouais, non, elle est le chercher. Oui, allô? Ouais, Nico, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien, nickel. Je me présente, Jean-Louis, je suis l'amant de ta femme. Allô, Nico? Oui. Oui. Donc je voulais te prévenir, ce soir je vais passer lui faire l'amour là, parce qu'il y a l'euro qui démarre. Et pendant l'euro, moi je regarde les matchs, je serai à fond dans le foot, j'aurai pas le temps de venir lui mettre sa petite tournée. Donc je vais arriver dans 5-10 minutes là. Eh ben vas-y, viens, avec grand plaisir. Ah ben écoute, c'est bien ce que. Franchement, t'es un mec cool. Je me doutais que tu le prendrais bien. Oui. Eh ben écoute, ta femme elle va bien le prendre aussi ce soir. tu crois pas si bien dire. Ah ben on va la prendre à deux, tu crois? Ouais. Sache que j'ai des enfants qui dorment, qui vont à l'école demain. Ah bah ne les réveille pas, parce qu'on risque de faire du bruit. Je pense que ça va être vite vu. Allez, si t'as des couilles, appelle avec ton numéro. Bah je viens dans 5 minutes, et puis y a pas de problème. Bien sûr. Dans 5 minutes, je suis à la porte. Oui, va te branler, t'as raison. Ah bah je vais me branler avec ta femme, ouais. À tout de suite, mon amour. Ah, bah, dis donc, vous avez vu ça un peu ce soir, là, les deux? Putain, mais il y a du serrage en dessous. C'est de la folie. Eh, voilà, le travail. Ah, c'est un moyen. Bravo. J'ai trouvé moyen, Cédric. Moi, je t'ai trouvé bien et Romano, j'ai trouvé super aussi. Romano était pas terrible, moi, je trouve. Bon, pourquoi tu dis que t'étais moyen? Non, moi, j'étais très bien, moi. Alors, toi, t'as été moyen, Romano, pas terrible. T'es dur. Non, Diffoul, t'as des problèmes, je crois, d'oreille. Ouais. J'ai trouvé ça super. Dis-moi, j'étais très bien. Ah, moi aussi, ouais. Moi, j'ai dit que j'étais très bien et Romano, moyen. Est-ce que ça mérite un deuxième tour, hein? Bah oui. Deuxième tour ou pas? Allez, deuxième tour. Ouais, comme tu veux. Allez, deuxième tour. Non, t'as dit bah oui. Allô, tu l'avoues. Bah oui. Jean-Claude. Allez, vas-y. Jean-Claude, JC. Enfin, JC, fais gaffe parce que ça fait aussi Jésus-Christ. Donc après. Ouais, faut se méfier, ouais. Ouais, ça craint après. Après, le plutôt Jean-Claude, c'est mieux. Romano était parfait pour Fred. Bravo Romano. Ah bah merci. Romano. Merci. Et Team Cédric en force pour le petit. Salut. Merci Cédric. Ma gueule. Un deuxième tour pour Antoine. On est en plein dedans. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie du. Jésus-Christ ne répond pas. Non. On appelle un autre. On appelle Armand. Allô Armand. Allô. Ouais, bonsoir Armand. Comment ça va? Ça va. Ah bah nickel. Bah moi c'est Michel au téléphone. Je t'appelais parce que j'ai une petite galère de poupée gonflable là ce soir. Allô. Oui. Ouais, j'ai crevé la mienne hier soir. Donc du coup, ce soir, je suis un petit peu en galère. Je voulais savoir si tu pouvais pas me prêter ta femme pour me dépanner le temps que j'en achète une autre. Allô? Oui, allô, c'est qui? Bah, je t'ai dit, c'est Michel, un de tes voisins. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il paraît que ta meuf, en plus, elle est sympa, plutôt ouverte, un peu cochonne, donc je voulais passer à la maison ce soir. Pour dépanner, hein, juste pour ce soir. Après, je te la laisse pour le reste de la semaine. Armand? Hein? Ouais. Allô? Tu m'entends ou pas? Ouais. Ouais, donc je peux venir à la maison histoire de m'occuper un peu de ta femme? Bah, si tu veux, viens. Ah bah nickel, j'arrive dans 5-10 minutes, je m'occupe d'elle et puis bah pour te remercier, je pourrais te faire l'amour à toi aussi si tu veux. Oh merde. Bah il m'a quand même dit de venir. Hein. Oui, il a dit, et bien, je pensais que c'était parti là pour, je sais pas, une fin d'appel de folie avec du sexe. Bon, on va le rappeler ouais, alors, vas-y. Raccroche. Ouais. Tu prends un rappel? Bah oui, on va le rappeler, attends. Allez, rappel, c'est parti. Tu veux que ce soit la folie, je vais te montrer la folie. Ah bah oui, on veut la folie du sexe quand même. Bien parti, tiens. Bah comme le premier tour c'est la folie du sexe. Faites aussi fort que le premier tour. Alors, allô? Non. Ouais, ça a coupé ma poule. Ouais. Ouais, c'est bon, je voulais juste confirmer. C'est bon, je peux venir prendre ta femme dans tous les sens. Mais c'est qui? Bah, je t'ai dit, c'est Michel. Bah, c'est bien. Bon, bah, je viens, je m'occupe de ta femme. Et sinon, tu peux te détendre ou pas? Bah, écoute, je vais me détendre dans ses fesses, ouais, ce soir. Eh oh. Tu veux me détendre dans les tiennes? Ouais, mais libre à en quitter, quoi. Bah, je viens de te dire qui je suis. Voilà, ça recommence. Effectivement, on est quand même loin de la folie. Oui. Ah, écoute, je vais quand même me détendre dans c'est ses fesses. C'est même la détresse humaine. Non, c'est pas la détresse, je vais me détendre si dans ses fesses. C'est la détresse, ce mec qui te raccroche à la gueule. Tu m'expliques ce que c'est, quoi. Non, mais il voulait rien fait du tout. Il voulait que tu sois un peu plus cool. Ah, mais j'étais cool. C'est vrai que t'étais un peu tendax. Ah, j'étais un petit peu. Il voulait que tu te détendes. À toi, Romano, dernier coup de fil. Chez Antoine. Allez, toi, Antoine. Allez, Antoine, et après, vous allez pouvoir voter. Ah, mon chéri Antoine. Et comment vous les filez vos stickers? Les stickers Team Romano et les stickers Team Le Belge. On les envoie par la poste. Faut laisser vos adresses. très bien. Là, vous m'envoyez un mail à cedric@skyrock.com pour la team Cédric. Il n'y en aura pas pour tout le monde, tu vas recevoir plein. Bah, t'inquiète, je referai imprimer. Non, on est sur une. Allô? Oui? Ouais, allô, c'est qui? C'est Guillaume. C'est Guillaume? C'est qui? C'est un copain de ta femme, elle est là ou pas? C'est qui? Je m'appelle Jean-Louis. C'est qui? Bah, c'est Jean-Louis là, t'es relou à demander toujours c'est qui. Je t'ai répondu c'est Jean-Louis. Jean-Louis David. Il est coincé. Bon, dis voir, je vais passer vous voir là ce soir là. J'avais pas prévu que tu sois là, mais bon, vu que t'es là, on fera avec. Je vais lui mettre sa petite tournée là, parce qu'avant l'euro, durant l'euro, je pourrais pas venir. C'est qui, fils de pute? Je vais. Non, moi c'est Jean-Louis. Je crois que. Là, je te crève. Ouais, bah écoute, je peux être là dans 5 minutes. Mais du coup, ta meuf est là ou pas? Parce que bon. Si je peux juste t'enculer toi, ça va me gêner un peu. Ah, pas besoin d'être là, t'inquiète pas. Donc je pourrais t'enculer sans problème. Ouais, ouais, bah moi je vais t'enculer avec mon couteau, tu vois, bâtard. Bon, c'est peut-être un peu violent. Non, mais faut le prendre par le manche. Amuse-toi, enculé. Non, mais je vais venir dans 5 minutes, là, puisque j'ai l'impression que... Je vais te recevoir. J'ai l'impression que t'es un peu tendu. Ta femme sera là ou pas? Qu'elle assiste quand même au spectacle, quoi, qu'elle te voit à quatre pattes en train de manger la moquette. Mon amour. Est-ce qu'il va manger la moquette? Ah bah oui. Il parle plus, Guillaume. Et c'est qui vous a passé mon numéro? Ah bah ton numéro, je le connais, hein, ta femme me l'a donné. Donc j'arrive dans 5 minutes et je m'occupe de ton cas. Je m'occupe de ton cas. Quelle radio? Radio Skyrock. Radio Skyrock? Bande de salauds. Ça venait du cœur. Très bien. On t'appelle du coup. On aime. Non, t'as pas reconnu. Ah non, mais t'as serré avant qu'ils te reconnaissent. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est hallucinant ces règles. On accepte le serrage. Mais il vient de te dire que t'as serré. Il t'a dit que t'as serré. Oui. Ouais, mais l'autre, il dit pas, il gueule. Bon, on va t'envoyer un. Pas trop, toi, on va t'envoyer un cadeau. Ce qu'il dit, le mec. C'est quoi ton prénom déjà? J'ai oublié. Guillaume. Ben, on va t'envoyer un cadeau à la maison, Guillaume. Tu veux un t-shirt Skyrock? Oh bon, oui, si vous avez. Et on va coller un sticker Team Romano dessus. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est le grand amour. Parce que c'est Romano que t'as eu au téléphone. Ah, c'est au hasard comme ça. Ah bah ouais, c'est le hasard, ouais. Et ouais. T'as vraiment eu de la chance que je vienne te sodomiser. Merde. Et ouais. Bon, bah vous nous avez fait un super clash, les deux clashers. Raccroche pas, hein, Guillaume, reste là. Salut Guigui. Salut. Ciao Guillaume. Bon, bah c'était super votre clash ce soir. Mais alors là, je me demande vraiment qui va gagner ce soir. Ce sera à vous de décider, mais c'est même à vous de décider tout de suite. Eh ben, il faut décider en votant Romano, Team Romano ce soir, je compte sur vous. Double serrage, deux appels de serrage. Magnifique Guillaume à l'instant qui m'attend pour me proposer des choses anales très très coquines. Oui. Et juste avant, je me souviens plus du prénom, mais je suis invité également. Eh bien, votez Romano. R-O-M-A-N-O. Bon, ce soir, moi j'ai serré Alain, tranquille, je vais faire l'amour à sa femme et à lui par la suite. Et Armand, je vais me détendre dans les fesses de sa femme pour saboter Cédric. Team Lebel, je compte sur vous tous et vous toutes, je vous aime très très fort. On peut le niquer une deuxième fois dans la semaine, c'est ce soir, votez Cédric. Voilà, et si vous voulez vos stickers Team Romano ou Team Cédric, vous envoyez... Oh, comment on fait? Bah, vous laissez vos numéros, non, vous laissez vos adresses sur les messages. Ouais. Voilà, et on vous enverra ça. 5 minutes pour voter, 22h50, il vous reste donc 5 minutes jusqu'à 22h55, et après on vous donnera les résultats de ce beau clash de ce mercredi soir. Vous êtes en forme cette semaine, ça fait plaisir. C'est parce que l'euro arrive, je pense. Ah, c'est ça, ouais. Je pense que ça vous excite. C'est la folie de l'euro. Le journal de l'euro des Bleus, de Skyrock, de la Radio Libre, de toutes les nouvelles du foot et de toutes les équipes, eh bien ça arrive dans un instant. 10 000 personnes à Bordeaux, il y avait, j'ai vu le message de CD44 qui nous a laissé un message de 44, c'est pas Bordeaux. Il y avait du monde pour qu'on marque des goals. 10 000 personnes à Bordeaux pour assister à l'entraînement des Belges. Ouais. Même 10 000 personnes au stade sur le Val d'Oise. Ouais, ça allait voir Hazard et les autres. Et les autres aussi, ouais. Bah, merci de soutenir les Diables Rouges. Eh oui, les Diables Rouges, c'est vrai. Donc vous nous laissez vos messages si vous avez vu des équipes de foot aussi, parce qu'elles sont débarquées en France toutes. Ouais, les ça équipes. Y est, elles sont toutes là. Ouais, je crois qu'elles sont toutes arrivées. Si, ouais. Vous laissez des messages, vous nous racontez un petit peu s'ils sont sympas, ce que vous avez vu, si vous avez chopé des dédicaces, si vous avez fait des selfies, si vous avez fait des photos avec eux. Vous nous envoyez tout ça, et puis dans un instant, les nouvelles de l'euro et Laurine aussi avec nous en direct. Ah oui, dans le 39 et t'as 18 ans, c'est toi Laurine. Salut Laurine. Oui, bonsoir. Bonsoir Laurine. Bonjour. Alors Laurine, explique-nous de quoi tu veux nous parler dans un instant Laurine. Alors en fait, bah moi je suis avec mon meilleur ami là. Oui. Et il va comment il s'appelle le meilleur ami? Alexis. Alexis, donc Alexis, Laurine, il a 18 ans aussi comme toi. C'est ça. Très bien. Et il va venir faire une formation là où je suis, là à la rentrée. Oui. Et il a pas de logement, donc je vais proposer bien gentiment de venir dans ma petite chambre d'étudiant. C'est mignon tout ça, mais t'as envie de le serrer ou pas? Comment? T'as envie de le serrer ou pas? Ah non, non, bah justement, le problème c'est que j'ai un copain. Ah merde. Vous êtes trois dans la chambre d'étudiant? Non, je suis toute seule moi. Non, son copain il est pas là quoi.

21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est nous avec Justin Timberlake maintenant, comme promis. Ah, petit Justin, ça fait du bien, le soir, dans la radio libre. Et vous tous en direct au 01 53 40 30 20. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Sur YouPorn, mais j'aimerais bien me finir avec Difool. Ma bite, on te salue. Cédric. Oh putain, j'ai mal au ventre. Marie. Il y a de la meuf, laisse tomber quoi. Samy. Regarde, c'est qui parle à la télé, David. Ah, je croyais que c'était un caniche. Momo. Ce bananier accomplit son cycle végétatif en moins de 10 mois. Et Karim. Là, ça va mieux là. Difool Radio Libre, tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Eh ben nous ça va bien, dites donc. On est là ensemble jusqu'à minuit. Avant minuit, vos places de foot à gagner pour les 8e de finale de l'Euro. On vous lance le top d'ici une petite demi-heure. 8e de finale de l'Euro et 200 places à gagner encore sur Skyrock. Restez bien dans le coin. Les places sont offertes par le Crédit Agricole. On a vu, ils sont sponsors, ils sont sur tous les terrains, ils sont partout. Ouais. Ils sont même dans les pubs sur Skyrock. T'as entendu, Romano? Avec ta carte bleue, ce que tu peux faire, tu vas retirer de l'argent dans un guichet du Crédit Agricole. Non, mais il y en a un, mais je peux toujours partir. Et peut-être donc, que tu auras une place pour l'euro en plus. Ouais, mais laisse tomber, je peux partir. Ah, excuse-moi, j'ai oublié que t'avais un problème de carte bleue. T'as toujours pas ta carte bleue. Ça commence à me foutre les nerfs, mais. Oh, c'est dingue ça quand même. C'est 15 jours que ça dure. Mais en même temps, à choisir entre une carte bleue qui va revenir et un bras peut-être foutu à vie. Ah, franchement, je préfère limite ma carte bleue. Fais gaffe, c'est l'arbitre. Hein, quand même, hein. Oui, je suis l'arbitre du clash. Tu peux avoir des problèmes. Les résultats arrivent dans un instant. On va voir qui va gagner. Ça va être. Ah, mais de toute façon, il va y chaud avoir... ce soir. Hein. Déjà, il va y avoir une réclamation directe. Pourquoi ? Allez. Je viens encore de détecter une malversation. Quelle malversation ? Tu vas voir. Vas-y. On va voir les résultats. Allez, Julie est avec nous. Laurine est avec nous. Alexis est avec nous. Ils sont tous avec nous. Et bah tiens, Julie réagit pour toi, Laurine, et pour toi, Alexis. Ah, t'es contente. Donc Alexis, soi-disant, il est gay à 100%. C'est ce que tu nous as dit, Laurine. Voilà, depuis 2 ans, on va dire. Avant, il n'était pas gay, alors. Non. Avant, il sortait avec des filles, Alexis.

Oui. C'est draguer le mec de Laurine. Je sais pas, tu lui caresses les fesses, tu touches la bite sans faire exprès. Voilà, sans faire exprès, tu lui caresses le sexe comme ça. Oh pardon, excuse-moi. Et comme ça, il aura plus aucun doute, il va se dire "Ah, il est vraiment gay, donc j'ai aucun problème." Ah non, mais il le touche pas. Non, mais surtout, il le sait très bien. Et c'est là que le mec tombe amoureux d'Alexis. Il dit, vas-y, retouche-moi. Vas-y. Ah, j'aime ça, vas-y. Touche-moi, le zizi. Il faut le rassurer, il faut que vous passiez des soirs ensemble et tout ça, il faut le rassurer, le mec. Ah, mais il le connaît, il sait très bien qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y aura jamais rien, mais il a quand même le doute, quoi. Bah, ça se comprend. Il est un peu comme Romano, quoi. Bon, reste là, Laurine. Il n'y a pas que moi, d'après les messages. Ouais. Tu nous laisses 5 minutes, on calcule les résultats du sondage et on te dit tout ça. Ouais, ok. Julie, on te fait un gros bisou. Merci du coup de fil. Gros bisous, bonne soirée. Bisous, Julie. Bisous. Ciao. Salut. T'as le top bug, Romano ? Il va arriver. Allez, on le prépare avant minuit. Le top bug, le journal des Bleus, de l'Euro et les résultats du Clash de la Drague dans quelques secondes. Sur Skyrock, vous allez découvrir les résultats du Clash. Je vous fais attendre ou pas ? Vas-y, fais-la attendre un peu, non ? Non, donne-les, vas-y. Alors, vous voulez après le journal des Bleus, man, tranquille. Alors, journal des Bleus, les restes du Clash ? Allez, vas-y, c'est parti. Man. Le journal des Bleus. Ah, attention, jingle. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Wouh. Samy sur Skyrock. Alors, le journal des Bleus. Allez, c'est parti. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. N'oubliez pas vos places pour l'Euro tout à l'heure avant minuit. Vous pourrez vous inscrire pour aller voir les huitièmes de finale de l'Euro. Magnifique match encore à choper. Les places, c'est évidemment sur Skyrock, du matin au soir jusqu'à la radio libre et dès le morning. Vous gagnez tout ça. Alors, on va commencer par la petite polémique du jour. Que se passe-t-il encore? Ah, c'est avec les journalistes qui se posent des questions. Parce que c'est vrai que les derniers. Avec les bleus, polémique sur les bleus. Ouais, avec les bleus, bien sûr. Attends. Avec les derniers mecs, les derniers bleus qui sont venus en conférence de presse, à chaque fois qu'on leur posait une question sur la Roumanie, les mecs, ils avaient l'air mal à l'aise et ils esquivaient un peu le sujet. C'est comme s'ils savaient même pas contre qui ils allaient jouer, tu vois. Alors, on leur dit, c'est les Roumains. Voilà, non, mais. Ils savent le nom de l'équipe. Capitale Bucarest. C'est ça. Mais tu vois, ils étaient incapables de sortir le nom d'un joueur, incapables de dire comment il jouait, machin. C'est vrai que c'est bizarre. Logiquement, ton prochain adversaire, tu connais tous les mecs, tu sais comment ils jouent. Enfin, c'est chelou. Ouais. Et donc, il y a certains journalistes qui se sont dit, tiens, est-ce que les Français ne prendraient pas de haut la Roumanie, tu vois? Comme la France reste sur 9 victoires lors de ces 10 derniers matchs, est-ce que les Bleus seraient pas trop confiants ou quoi? Et là, aujourd'hui, donc, il y a eu un communiqué du staff de l'équipe de France qui a rassuré tout le monde en disant, vous inquiétez pas, on n'a pas encore étudié le jeu roumain, on fera ça le vendredi. C'est bizarre parce que depuis lundi, tous les jours, ils ont dit qu'ils avaient fait des séances vidéo. Donc on sait pas trop ce qui se passe en ce moment. Regardez des films de cul. Je me suis trompé de vidéo. Ouais, c'est pas la bonne équipe. Regardé depuis lundi. On regarde l'équipe du Brésil. Eh oui. Mais aucun bleu n'a été capable de sortir le nom d'un joueur roumain, tu vois. Non mais ça a fait flipper quand même. C'est étonnant, ça. C'est chelou. Tu vois les entraîneurs adjoints, ils ont dit non mais pas de problème, c'est toujours comme ça. Vraiment on regarde en profondeur le jeu des adversaires le jour du match. Bah oui. Ça sera vendredi. Que le jour du match. Mais normalement c'est pas le jour du match, c'est quelques jours avant. Bah ouais, tu t'entraînes en fonction de l'équipe que t'as en face. Exactement. Toute la semaine, tu vois. Donc, est-ce que c'est un excès de confiance ou quoi? Bon, on verra. J'espère qu'on va gagner vendredi, hein, putain. Ouais. Bon. Ah bah, je pense qu'il y a pas trop à s'inquiéter quand même. Ah, on sait jamais, tu sais, Samy. Hein, sur un match, c'est pas la folie quand même. Je sais, mais l'inquiétude monte, le stress monte aussi. Ah bah tiens, il faut que je vous annonce aussi. C'est vrai la phrase de Sania là, qu'il y en a plein qui nous envoient. J'ai pas vu ça. Laquelle? C'est a priori. Il était aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit. Je venais à reculons. Non, il a dit ouais, les Roumains, j'en ai deux chez moi ou je sais pas quoi. J'en ai deux embauchés deux ou je sais pas quoi. A priori, ça fait une polémique. Non, j'ai pas vu. Romain, j'envoie tous les feux rouges. On nous l'a envoyé plusieurs fois. Sania a fait une polémique en disant qu'il avait deux Roumains qui travaillent pour lui. Non, mais parce qu'en fait, il a pas dit ça, moi j'ai pas vu. Comme ça, parce qu'en fait, c'est par rapport à ce que je disais. En fait, pareil, on lui a demandé, vous alors, les joueurs roumains, vous les connaissez, quel joueur est dangereux? Et là, le mec, mal à l'aise parce qu'il connaît aucun joueur. Et donc, le gars, il s'est sorti en disant une connerie comme ça, mais il a pas dit ça comme ça. Il a dit, je sais pas, moi j'ai pas vu. Parce qu'il y avait plusieurs messages. Non, en gros, il a dit, ouais, genre, je connais des Roumains, mais je pourrais pas vous citer, machin, mais j'en connais des Roumains. Tu sais, genre, la blague, ouais, je connais des Roumains, mais pas les joueurs. Bon, bah écoutez, on espère qu'ils font des blagues. On espère qu'ils connaissent trop l'équipe d'ici samedi. Ouais, vendredi, oui. C'est samedi, c'est un peu tard. Ah oui, ça serait con. Ah merde, j'avais prévu la séance ce samedi. Donc vendredi soir à suivre en direct dans la radio libre sur Skyrock. Ils sont bien entraînés aujourd'hui, pas de problème. Ils ont surtout bossé l'animation offensive. Donc le trio qui se dégage, ça sera le trio titulaire vendredi, c'est Payet, Giroud et Griezmann. Oui. Parce que Coman était un peu blessé aujourd'hui, donc il s'est entraîné avec des petites gènes. Donc il sera pas titulaire, c'est Griezmann. Il a quoi, il a une tendinite? Non, il a pas de tendinite. J'espère pour lui qu'il n'a pas de tendinite, ça lui bousillera son euro. Non, c'est juste des petits coups qu'il reçoit et qui tu vois qui les bloquent un peu pour un entraînement ou deux. Du coup, coup, ça sera Griezmann titulaire avec Payet et Giroud. Et Payet avait bien suivi, avait bien joué au dernier match. Hein. Bah, tous les, là, ouais. Les trois d'ailleurs avaient bien joué. Hein. Ouais, puis en plus, lui, c'est une arme fatale sur les coups francs, tu vois. Donc, Giroud, Payet et. Ouais, ça marche bien les et trois. Et Griezmann, donc, c'est bien, ouais. Ouais, c'est pas mal. Tiens, le Portugal a gagné 7-0. Ils ont joué quand ce soir doublé, c'était hier, je crois, non c'est hier. Je sais qu'il a mis un doublé, Cristiano. C'est le premier match amical. Ah, Cristiano est revenu de sa petite escapade avec des potes sur un bateau. Il est revenu, il a marqué. Avec une meuf, il était avec un mannequin, mon pote. Ah non, on avait que des mecs, nous, sur le bateau. Non, moi, j'ai vu une photo, il y avait un mannequin avec lui. Ah bah, il a fait. Elle était fraîche. Il a fait un peu de sport, il s'est entraîné avant l'Euro, Cristiano. Bon, sinon, aujourd'hui, il y a le classement des joueurs qui est sorti. En fait, le classement des valeurs des équipes, des nations, tu vois, selon les prix des joueurs à la dernière. Ah oui, on nous l'a envoyé, ouais. Ouais, donc t'as vu qui c'est qui est le numéro 1 ? Quelle est l'équipe la plus chère ? C'est pas la France. L'équipe la plus chère, c'est l'Angleterre. 751 millions d'euros l'effectif, Ivo. Mais ils font partie des favoris, les Anglais. Hein. C'est pour la première fois depuis longtemps. Ouais. Hein. En fait, c'est une équipe jeune. Donc, les mecs, ils ont une certaine valeur marchande, tu vois. Et c'est vrai que c'est une belle équipe. Ah, bah oui, pour arriver à 750. Bon, la France est juste deuxième, hein, juste derrière, avec 696 millions. C'est pas mal, quoi. Ouais, c'est bien, ouais. Ça va, hein. Tu vois, c'est un bel effectif. J'aimerais bien les avoir sur mon compte. Et les deux derniers, donc, vous savez qui c'est ? La France. Donc, non, avant-dernier, les Roumains. C'est vrai, je t'ai dit. Pas cher, les Roumains. 27 euros. Non, 51 millions d'euros, quand même. Ah, quand même. Mais c'est pas beaucoup. Non, par rapport aux autres, non. Et dernier, donc, on peut dire le petit poussé, c'est la Hongrie. 30 millions d'euros seulement. Très bien. On est loin des 700 millions de la France. Ouais. Et ce qu'a dit Romano, t'as raison. 93, Tom 93, Romano, il a raison. Il a dit qu'il avait des Roumains qui travaillaient chez lui. Ouais, c'est ça, si, j'ai vérifié. Je connais des Roumains, machin, mais c'est. Non, je crois, ouais, après la phrase exacte, je l'ai pas. Donc, mais. Chez moi, je sais pas quoi. Ouais. Attends, je vais te dire ce que c'est exactement. Bon, allez, les Bleus, les places avant minuit. Il a dit, a priori, ce qu'il a dit, c'est j'ai un lien particulier à la Roumanie, des personnes roumaines travaillent chez moi. Bon, c'est vrai que c'est pas. Ouais, bon, c'est un peu maladroit. Il n'y a pas vraiment de rapport avec ce qui va se passer sur le terrain, mais bon. C'est certain. Non. Bon. Je sais pas, il y a quelques questions. Et Enzo nous dit si, il y en a qui connaissent plein de joueurs de non-roumains. Bah, on espère. Ils n'ont pas dit, en tout cas, ils étaient incapables d'en citer. On croise les doigts pour. Mais il y a des joueurs roumains qui jouent ailleurs qu'en Roumanie. Ouais, bah, bien sûr. Ouais, bah, oui. Il y en a plus qui jouent ailleurs qu'en Roumanie qu'en Roumanie, d'ailleurs, hein, je pense. Hein. Bon, après, je pourrais pas te citer les stars. Ah, ouais, il n'y a pas de grosses stars, quoi. J'en connais, il s'appelle Stan Siu, je crois. Ouais, si, c'est ça. Stan Siu, ouais. Et joue où? Je sais pas, parce que j'ai un jeu de foot. Et chez les Siu. Mais t'es sûr qu'il est sélectionné? Ouais, si, il est sélectionné, ouais. Bon, le journal des Bleus tous les soirs sur Skyrock. Dès qu'on a des nouvelles, on vous fait signe. S'il y a d'autres nouvelles d'ici minuit, eh bien, restez bien là, on vous dira. Et allez les Bleus! Allez les Bleus! Les Bleus qui nous écoutent, on est derrière vous. Et avant minuit, vos places. Donc, les places de l'Euro. Vivement vendredi soir, nous dit Ben. Ouais, vivement vendredi soir, ça va être super, ça. Et est-ce que vous avez vu les photos de l'équipe de France avec Gignac en claquette chaussette? Ah non, j'ai pas vu qu'il était en claquette. Ah, j'ai pas vu non plus. Ouais. Nouvelle de Speedy Gonz pour le journal des Bleus. Non, j'ai pas vu Speedy Gonz. Envoyez-nous la photo de. Il fait chaud, il a raison. Cette claquette, ouais. Enlève les chaussettes la prochaine fois. Surtout là. Si la chemise et le blazer en haut, c'est super joli. Et le 7-0, c'est le Portugal contre l'Estonie aujourd'hui. C'est Wilfried qui nous envoie le message. Mais pour les chaussettes, si vous voyez souvent des joueurs de foot qui ont des chaussettes alors que ça va pas trop, par exemple les mecs dans la rue en short avec des chaussettes ou quoi, enfin c'est parce qu'en fait c'est des chaussettes de contention. Ça gaine. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pour la récupération des jambes et tout, donc chaussettes pas trop claquettes. Le choix, en fait. Ouais, c'est vrai. Beau gosse après. Ouais. Dis donc. Alors, il est dans le game en claquette, nous dit Antoine de Paris. Ouais, comme Jules, ouais. Et oui, comme Jules. Je suis dans le game en claquette. Oui. Oui. Bon, tiens, puisqu'on parle de son, on va écouter un son d'SCH. Alors, on vous a demandé de choisir le son d'SCH que vous vouliez. Tiens, on vous en propose quelques-uns. Je la connais. Le son d'SCH. Oh, oh, oh, oh. Alors, on a lui. Oh, oh, oh, oh, oh. Je la connais. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Il y a Champs-Élysées. Pas loué. À chaque fois que j'entends ce titre, je repense à notre virée sur les Champs-Élysées avec Cédric, SCH. En Ferrari. Les cheveux au vent, quoi. Ouais, complètement. En folie, quoi. Ouais, les cheveux au vent pour Romano, pas trop. Ouais, hein. Non, et puis on a un autre extrait de l'album d'SCH, c'est Allô Maman, super morceau aussi. Ouais, allô Maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô Maman, allô Maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô Maman, lequel vous voulez, tiens? Dites-nous. Allô Maman, SCH, Champs-Élysées, SCH, je la connais, SCH. Allô, pour moi. C'est vous qui choisissez celui qu'on se passe dans 5 minutes sur Skyrock. SCH arrive dans 5 minutes, on se balance le son là. Allô Maman pour Cédric. Ouais. Moi je la connais, moi, j'ai pas changé depuis tout à l'heure. Je la connais pour Romain, t'as pas changé. Champs-Élysées pour moi. Ouais, Champs-Élysées, moi aussi. C'est partagé dans l'équipe, vous avez vu, hein, Karim. Tu dirais quoi? Moi je dirais pas loué, moi. Pas loué, Champs-Élysées. Ouais. Bah, moi ou moi n'importe en fait. Parce que moi, Ouais, Champs-Élysées, j'adore. Allô Maman, j'aime bien de plus en plus. Et puis je la connais, je kiffe bien aussi. Donc vous nous dites, C'est vous qui allez faire la différence. Romain, tu calcules vite. Putain, les messages qu'on reçoit, c'est la folie. Vous êtes déchaînés ce soir. Ça fait plaisir. Hein. Merci à vous, là. Vincent, allô maman. Bilbouz, allô maman. Je la connais pour SCH, mon frère. Pour Soso92i. Allô maman, c'est lourd pour Junkie. Champs-Élysées pour Lincoln l'inconnu. Je la connais pour Kevin. Je la connais pour le canapé de Mehmet. Mehmet, d'ailleurs, qui fera des pronostics dès vendredi matin dans le morning. C'est mon chien. Ouais, et c'est lui le pronostiqueur officiel de Skyrock cette année. On lui a fait un contrat en or. Un contrat en croquette. Il a fait sa patte pour signer. Allô maman pour Sale, Kevin je la connais, GG, allô maman. Et bien dans un instant vous saurez lequel vous aurez choisi. Allô maman, Champs-Élysées ou je la connais. SCH sur Skyrock. Mais tout de suite, c'est parti pour les résultats du clash. Bon allez, putain, ça me. Ça stresse. Bah oui, je sais, c'est stressant, on sait jamais. Moi je suis détente. T'es détente, Cédric. Eh bien tu as raison d'être détendu. Putain non. Les résultats. T'as un nombre de votes pour le clash de la drague ce soir, c'était la folie. Ah ouais? Le gagnant du clash avec ce soir un score de 59%. Oh et ouais. 59%. Ça fait chier. Ah ouais, tu te seras fait déglinguer, Romano. Si tu perds, ça peut faire chier. Si tu gagnes, c'est bien. 59% ce soir pour. Ah non, si tu gagnes, ça me fait chier, moi. La méthode de la poupée gonflable ou la méthode de l'euro. Et qu'entends, Cédric? Ah ouais, franchement, j'aimerais bien gagner, moi, ce soir. Eh ben, ça tombe mal. C'est Romano, 59%. Ah ben voilà. Eh tiens, tu as l'autocollant, Tim Romano. Bon, super les votes, hein, vous avez voté comme des fous. Ça fait plaisir, 59% pour Romano. C'est bien, victoire de Cédric lundi, aujourd'hui c'est toi. Ouais. Donc ça merci Mathieu Romano, ça fait bien plaisir. Alors ceux qui veulent des stickers, ça y est, on s'est organisé. Comment on fait? Alors, si vous voulez des stickers de Cédric, de la team le Belge, vous envoyez sur cédric@skyrock.com. Par mail, votre nom, votre prénom, l'adresse. Ouais, parce qu'en fait, il y en a plein qui ont envoyé leur adresse, mais le problème c'est que vous n'avez pas mis vos noms de famille ou il manquait toujours un truc. Et si vous voulez un autocollant de la team Romano, vous envoyez sur romano@skyrock.com. Très bien. Et ben voilà, et comme ça on vous fait partir ça rapidement. T'inquiète. Voilà. Et bientôt demandé. Romano sponsorisé par la team Le Belge, vous allez voir. Ah là, tu me fous pas ça sur ma bagnole. Non, c'est ici qu'en ce moment je n'ai que des galères. Mais non, t'as pas de galère, il te manque juste une carte bleue, t'as juste bloqué ton téléphone, tout va bien. Non, mais d'ailleurs, ça y est, merci pour le téléphone, grâce à vous il est débloqué. Ah enfin. Ouais, putain, c'est. Toute la nuit il a cherché son code PUC. Non, mais tu sais qu'en plus je l'avais pas trouvé parce que vous m'aviez dit qu'il était sur la carte. Sur la carte SIM. Mais si, ça y est. Et non, ben en fait non, parce que moi c'est une carte SIM, elle est vieille. C'est celui-là. Et dessus, il n'y a pas. Ah, voilà, moi j'étais comme un con, il y avait juste la date de fabrication de ma puce. Ce qui me faisait une belle jambe. Eh ben oui. Mais c'est bon, c'est débloqué. Merci à vous tous pour tous les messages. Merci pour la victoire au clash. Merci. I love you. Mi amore. Et vendredi, vendredi, on a le match des Bleus et on aura un clash aussi. Alors on le fera ou à la mi-temps ou à la fin du match. Un clash s'organiser. Pour la victoire de la semaine. Ah. Et ouais, dernière. Tu devrais faire une photo avec un autocollant sur ton crâne. Tiens, mais c'est ce que j'avais compté faire. C'est vrai, tu veux pas en faire un avec moi? Quoi? Bah, chacun son autocollant. Le bel sur, non, mais vas-y, tu veux pas en échange d'un autocollant? Attends, de moi en à toi quand même. C'est bon. Putain, t'as un bouton, Cédric, qui pousse là, ignoble. Où? Là, juste là, là, tu le vois pas? Mais toi, l'autocollant. Mets-toi un autocollant dessus, c'est bien pratique, ces stickers. Les stickers sont bien. Bon, le SCH qu'on a choisi, c'est. Alors, c'est lequel, attention. Allô, maman. Allô, maman. Eh ben, c'est Allô, maman qu'on va écouter, SCH. Mais t'as fait les comptes ou tu l'as fait à la Momo? Non, j'ai fait les comptes. Ouais. J'ai l'impression qu'il nous l'a fait un peu à la Momo, tu sais, les comptes un peu aléatoires. Non, j'ai eu les messages. C'est Allô Maman en 1, en 2, c'est celui que tu voulais, je la connais. Ouais. Et en 3, mais pas loin derrière, Champs-Élysées. C'est toujours serré quand on met les messages. Attention, je suis pas déçu, les 3 sont bien. Ouais, moi aussi. Allô Maman qu'on écoute tout de suite. Le sondage express de Laurine, les résultats arrivent aussi. Votre top bug. Et attention, le super double appel de ce soir. Deuxième d'ailleurs. Enfin, deuxième, troisième ou quatrième, parce qu'on a c'est plusieurs coups de fil tout à l'heure. C'est pour les gens qui bossent. On débarque, on arrive. C'est sur Sky. Oui. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, t'offre 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock! L'Euro 2016. Ah oui, allez les bleus. Et écoute Skyrock à tout moment. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Merci. À Lille et Lens, Saint-Étienne et Lyon, Nice et Marseille, bien joué. Marseille, ça, c'est bon, ça. Bordeaux et Toulouse, et au Parc des Princes et au Stade de France. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Ouais, vous êtes les meilleurs.

Ouais, ouais, les non, trucs. Non, mais il y en a. Ah, c'est pas, attends, pas vrai, parce qu'il y en a aussi plein qui disaient de continuer. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a la moitié qui se casse et puis le reste, ils sont contents. C'est bien. Vendredi, bah, attends, grosse ambiance. Faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et vendredi matin, n'oubliez pas les pronostics de l'euro et puis n'oubliez pas toute la journée sur Skyrock, vos places de foot à gagner. Je vous donne le top dans un instant. Je vais vous donner les résultats du sondage express. Ah, c'est pour Laurine. Non, mais je veux pas que les réponses sur Twitter. Je comprends les réponses sur Twitter. Ah. Il y a personne qui va non, sur Twitter. Non, mais je te dis, c'est les Momo Style. Oui, c'est vrai. C'est Momo Style. Formé déjà, par Momo. Je te dis, sur le truc des CH, c'était genre la réponse. Ouais. Non, mais c'est vrai. En l'occurrence, c'était vraiment Allô Maman. Allô Maman, mais c'était un test que j'ai fait. S'il y a 2000 ou 10 000 personnes qui votent sur Twitter, t'en as 20 fois plus ou 100 fois plus qui votent sur le 41759 sur l'appli ou ouais. Sur Facebook. Ouais, bah, enfin bon, les résultats vont pas trop changer. Je vais te les donner dans un instant, Laurine. C'est pour le sondage qu'on a organisé pour toi et pour ton pote Alexis et pour ton mec aussi. Ton meilleur pote. Ouais. Alors ton meilleur pote, c'est Alexis. Okay. Et Alexis, donc il est gay d'après ce qu'il nous a dit. Bon, c'est gay de gay. Ouais, quoi, depuis 2 ans. Hein. Oui, depuis 2 ans. Mais gay de gay. Bah quand il t'a rencontré, il est devenu gay. Non mais là ils sont un mec apparemment. Donc. Voilà. Et ton mec, bon, il accepte difficilement, mais il a pas dit non plus. Ouais. Bah, il me laisse pas trop le choix. Il m'a dit si tu le fais, je le prendrais vraiment mal. Il a quand même dit non. Ouais. Donc ton meilleur ami doit habiter chez toi. Dans ta chambre d'étudiante, une toute petite chambre, vous allez être serrés tous les deux. Ah, c'est clair. Mais non, mais ils sont en matelas. Et ton mec est pas trop d'accord. Eh bien, non. Alors, les résultats. Alors, partiels. Non, les résultats, les voici. Ah, ça y est, tu as les définitifs. Les résultats définitifs. Quand on cumule tout, c'est bien. Oui, on a bien fait de cumuler le reste, là. Alors, plein de messages. Et 86% des auditeurs et des auditrices qui ont voté ont répondu oui, ça me dérange. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah non, ouais. Quoi, moi je militais pour cette cause, donc je suis 14% content. Ont répondu non, ça me dérange pas. Donc, essaye de comprendre un peu ton mec. En plus, on t'a mis dans la situation inverse. Si lui, il avait une copine lesbienne qui venait habiter avec lui, ça t'énerverait. Ouais, non, mais je le comprends tout à fait. Hein. Donc, essaye de faire tout pour qu'il vienne souvent à la maison, qu'il se tape des bouffes. Ouais, mais enfin bon, Alexis va tenir la chandelle en permanence, ça va être. Non, mais en tout cas, va falloir que tu sois gentil avec lui parce que c'est vrai que pour lui, ça va pas être facile à vivre. Ouais, non, mais sinon. Je pense qu'il viendra pas, mais il fera des allers-retours chez lui tous les soirs, mais ouais. Parce que j'ai vraiment pas envie de décevoir mon mec, quoi. Oui, mais alors pourquoi pas, parce qu'on nous proposait également, mais pourquoi lui, il va pas vivre chez ton mec, et ton mec, il vient vivre chez toi? Ouais, non mais c'est pareil, parce que mon mec, il a 40 km. Oui, mais c'est pas grave. Bah, il va pas faire 40 km tous les jours, Alexis. Quand on aime, on ne compte pas. Ouais, non mais bon, Alexis, au bout d'un moment, déjà... Alexis, c'est ton copain gay. Hein. Ouais. Bah ouais. Il faut ouais tiens il a qu'à aller dormir chez ton mec. Non. Et même moi je n'oserais pas. Tu serais jalouse? Ah oui. Ah bah tu vois tu peux comprendre. Alors casse-couille va. Ah parlez moins fort au standard, on vous entend Cédric, il y a des protestations sur les messages là. Ah désolé, voilà. On est en train de trouver des numéros pour le double appel. En gros les auditeurs te demandent de fermer ta gueule. C'est gentil. Voilà. Ouais Laurine, en tout cas sois sympa avec ton mec hein, parce que déjà s'il accepte c'est qu'il est vraiment cool, qu'il t'aime très fort. Et puis Alexis essaye de le rassurer. Je t'ai dit Alexis, mets-toi à le draguer comme ça il aura plus aucun doute, il se passera rien entre toi et Laurine, il en sera persuadé. Tu le dragues un petit peu, tu lui mets une main sur la cuisse, tu la remontes entre les. Et là, le mec va avoir un mauvais réflexe, il va te mettre à bourre-pif. Une patate direct, bam. Et là, oh merde, désolé, je t'ai cassé le nez. Pas de chance. Bon, bah en tout cas, tiens-nous au courant. Rappelez-nous quand vous habitez ensemble tous les deux là. Et Romano, il voudrait pas m'héberger? Ah, Romano, ça y est. Est-ce que tu peux faire agir la Sky Solidarité? La tête de Romano, alors, il a les yeux, mais tout rouge. T'es où, là? C'est... Dans le 39, dans le Jura. Non, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te loge à Paris? C'est trop loin, mon ami. 39, c'est quoi? C'est le Jura? Ouais. Jura? Ouais, c'est Jura. Non, mais Alexis, t'aurais été à Paris avec plaisir, mais là. Ah, mytho! Non, mais sérieux, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Je te jure, voilà. Avec plaisir, à 100 euros la nuit. À 100 euros la nuit, putain. Et il y a Ben qui dit, bah oui, c'était mon idée, dit Foul. Bah, je ne l'avais pas vu, malheureusement, bah, Ben. Évidemment. Ouais. Ça veut dire qu'on a vraiment. Les grands esprits se rencontrent. Un grand esprit tous les deux, oui, c'est ça. Bon, bah, Laurine. Ouais, avec Pamela, ça me dérangerait pas, hein. Ouais, voilà. Là, il y a une grosse bite, hein, méfie-toi. Hein. C'est... Un grosse bite, non. Un gros clitoris, tu veux dire. Ah non, il n'y a pas de grosse bite. Ah, bah non. Ah oui, 12 cm. Bah oui. Ah, oui. C'est pas mal. C'est pour une fille, c'est pas mal. C'est une sorte de bite et de clito, donc c'est tout blanc. C'est ça. C'est pas mal. Non, mais rappelez-nous, dès que vous habitez ensemble, vous nous racontez comment ça se passe, c'est marrant. Bah, j'espère que ça va aller. Comment vous allez partager les tâches ménagères? Wow. Ah bah moi, je suis très maniaque. Très maniaque, Et moi, pas du tout. Ah bah c'est bien, ah, il fera le ménage. Oh, toi, tu fais les tâches. C'est bon. Ouais. Voilà. Toi, tu salis, Laurine, et lui, il nettoie. Ça, c'est sympa. C'est ça. Oh, j'adore salir. Je sais. Bon, bah, c'est bien. Jawad fait ça gratos, hein, si vous voulez des hébergements. Ouais, j'ai vu plusieurs messages. Oui, il a des appartements sympas du côté de Saint-Denis. Ah, cool. Voilà. Bisous, Laurine, on t'embrasse et bisous à toi, Alexis. Deux, ouais. Merci tous les deux. On peut passer une dédicace? Ouais, vas-y. Alors, dédicace à mon copain, j'aime fort. Ah, c'est gentil. Il écoute, là? Oui, il écoute. Ah, voilà, on l'embrasse. Salut, Alexis. Ah, bien, on te comprend, mec. Ouais, t'as vu, les auditeurs sont solidaires avec toi. Et l'équipe aussi. Et puis à Aline, Lucie, ma famille. Et puis Alexis voulait passer une dédicace aussi. Vas-y, passe-moi, Alex. Oui, allô. Oui, Alex. Oui, Alex. Romano. Ah ben, re. Le meilleur. Ah ben, merci. Ah, toi, t'as bien l'accent du Jura, ouais. L'accent de la campagne. C'est l'accent du Jura, d'accord. Donc, dédicace à mon père Cyril, mon frère Julien, ma belle-mère Virginie, Aline, et puis Théo, que je vois demain au cinéma. Je te fais de gros bisous, puis gros bisous à tout le monde. C'est lui que tu veux serrer, non? T'es sûr, Théo? Ouais. Ah, oh, Théo. Au cinéma, tu vas le sucer? Ça va choper au ciné. Comment ils ont réagi, tes parents, quand ils ont appris que t'étais gay, quand tu leur as dit? Bah c'est bien. Ah bah c'est cool. C'est cool. Tant mieux. Et ben salut toute la famille. Salut Alex. Cool. Salut. Laurine. On vous envoie le t-shirt Skyrock aussi. Vous serez beaux tous les deux avec votre t-shirt Skyrock. Cool. Une photo dédicacée. Et la photo en plus. Très bien. Vous voulez une photo avec moi et mon bras en écharpe ou avec moi en train de faire du sport? Les sport, trois. C'est bien. Il y en a que deux. Il y en a que deux, Alex. Les trois. C'est pour ça que je dis les trois. Bon, salut. Quittez pas tous les deux. Ciao. Le double appel, vous êtes prêts pour le double appel? Are ready? Ou on fait le top bug d'avant? Ah, Cédric, il a du mal à s'en remettre de la défaite du clash, peut-être. Non, ça va, t'inquiète, hein. On est prêts ou pas? On est prêts, ouais, t'inquiète. Bon, bah. Mais réponds quand on te parle. Mais je te parle pas, toi. Est-ce que vous faites deux? Vous avez qui de prêt, alors? Parce qu'on a fait des catégories tout à l'heure. Il y a les gens qui bossent dans la sécu, les gens qui bossent dans des bars, des gens qui bossent dans des trucs où on peut bouffer, les gens qui bossent dans des hôtels. On fera pas les hôpitaux parce qu'on va laisser travailler les hôpitaux. En plus, moi, j'y vais demain pour mon épaule, donc je tiens quand même à ce que ça se passe bien, car ma maladie s'aggrave de jour en jour. Hein. Je tiens quand même à vous le dire. Profitez de moi. Mais déjà, est-ce que t'as bien fait ton traitement de cachet? Ouais. Ce qui est inquiétant, c'est que je fais bien mon traitement, que je garde mon épaule bloquée jour et nuit et que j'ai de plus en plus mal. Donc je me suis dit. Mais t'es sûr que c'est une tendinite? Bah non, j'ai peut-être un truc beaucoup plus grave, Romano. Bah oui, c'est ce que je me disais. Non, mais moi je te dis, hein, parce que moi le coup, j'ai rien contre les médecins et SOS médecins, mais moi à chaque fois que je les ai appelés ils sont trompés de diagnostic. Non mais c'est peut-être, hein, je fais peut-être une attaque cardiaque dans le bras. Non bah ouais, ok. J'ai tellement un gros cœur que mon cœur déborde peut-être dans le bras. C'est ça, ouais. Non mais c'est vrai, je me disais, mon cœur est tellement grand, je suis tellement généreux, tellement bon, tellement gentil, que mon cœur déborde peut-être dans mon bras gauche. Ah, d'ailleurs tiens, il faudrait que tu donnes ta carte bleue là pour aller retirer des sous pour moi. Ah, malheureusement j'ai les bras croisés. Bah attends, t'emmerde pas, je vais me servir moi-même. Ça va pas être un souci, on va régler ça. C'est bon, t'as le code, Romano, de la peut-être TV? Qu'ils vont te couper le bras à l'hôpital, dit Foul, me dit Greg. Oh là là là là là. Non, mais tu sais, d'un côté, je trouverais ça horrible pour toi. Bah attends, oui, bah oui. Mais je pense que. Non, mais il y aurait un moment où je rirais, moi. Hein? On me coupe le bras, tu ris. Non, je te dis, non, mais non, j'ai du cœur. Bah, grave. Non, tu sais, il y a un moment où. Enfoiré. Il y a un moment où, tu sais, je te vois arriver avec un bras en moins, tu sais, ça me ferait de la peine. Ah, bah, j'espère, Romano, que ça te ferait de la peine. Mais c'est après, à te voir te déplacer et tout, je rirais. Ah, ouais. Mais t'es un enfoiré. Non, mais il vaut mieux bien le prendre. Marie. Non, mais il vaut mieux le prendre comme ça. Ah, oh, bah, oui, moi aussi, je serais mort de rire, tiens. Oh, bah, super. Et s'il me coupe les deux, alors là, je me pisse dessus. Comme ça. Il te restera les jambes. Voilà, tiens, regarde, Cali du 13. Salut Cali, 23 ans. Elle me dit, pauvre Difool, tu souffres tellement depuis plusieurs jours et Romano ne fait aucun effort. Non, mais quel effort il faut que je fasse, pardon. Déjà, je me supporte, c'est déjà beaucoup. Ben Escobar. Tu peux me donner un cachet d'ailleurs. Il est mort de rire. Tu veux quoi comme cachet? Ouais, un truc, je sais pas, t'as pas du calmant. Si j'ai un truc pour l'estomac, l'estomac, mon ulcère va mieux, hein, parce que tout le monde s'en branle, donc je vous tiens quand même au courant. Mon ulcère qui était remonté dans les poumons, et a priori, c'est évaporé. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bon, on y va? Bah, on y va. Bah, on fait quoi alors? Double appel et derrière top bug. Ok. Non, mais c'est quoi cette connerie? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Y'a du brin dans le tuyau. Le double appel de Difool sur Skyrock. Alors, double appel, deuxième fournée après le très beau double appel de tout à l'heure chez les familles. Eh bien, cette fois-ci, on file chez les gens qui bossent. Ouais. Première catégorie. Les bars. De gens qui bossent, les bars pour faire plaisir à Marie. Allez. Très bien. Allez, c'est parti. Direction les bars. On appelle des bars dans toute la France. Ah ouais, il faut préparer Patrick. Ah ouais, putain, moi je suis pas prêt. Ah, t'en bouge pas. Je peux te préparer toi, Romano. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Très bien. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Je vous écoute. On va appeler dans les endroits où il y a moins de bruit, parce qu'en fait, ils ne comprennent absolument rien. Parce que j'ai un Romano qui parle mal. Ça, il bug. Allô? Capitaine, il y a du monde dans les bars. Hein. Ah ouais. Hein. Ah Marie, t'as vu ça un peu? Ouais, ouais, bah, je vois ça, ouais. Il manque que moi. Je vois ça, ils écoutent Marvin Gaye avec Sexual Healing derrière. Tiens. Oh putain, ouais. À la fin, ça va scan dans le bar, non? Ouais, ouais, parce que c'est un bar à cul ou quoi? Je sais pas, je sais pas. Bon, merci les bars. Wouh! Bon, nous, on vous prépare. Il y a une ambiance au bar. DJ Roro et te platine, il se passe du Marvin Gaye. Ouais. Bon, on va les laisser, hein. Nous, on vous passera du Drake tout à l'heure. Ouais, Drake, j'aime bien Drake. Du Drake. Je sais pas si je vous l'avais annoncé, mais Drake arrive tout à l'heure sur Skyrock. Cédric. Oui. Tu veux pas faire un autre numéro? Allez. Samy, t'inquiète, il te fait un autre numéro. Ah, ça y est. On va où? Allez, dans les restos, ça sera plus calme. Ah, c'est bien. On mixe un restaurant italien avec un restaurant chinois. Oh, ils vont nous faire des nem à la bolognaise. Magnifique. Une pizza au nem. Restaurant Le Petit Italien, bonsoir. Allô, allô. Allô. Ils sont partis. Attends, il y a deuxième. Bon, il reste le deuxième resto qui va répondre. Essaye vite d'en appeler un autre resto en attendant. Vas-y. Votre correspondant n'est pas joignable. Bon, ben, n'appelle pas le deuxième resto, le deuxième n'est pas joignable. Alors, on passe à qui? Allez, on enchaîne. C'est deux autres restos. Allô. Oui, allô. Allô. Elle parle chinois, attends. Bonjour. Elle est pas sympa. Toi aussi, tu parles chinois. Bah, j'essaie de communiquer. Bah oui, j'ai bien vu. Bon, les restaurants, les bars. C'est bruyant, les restaurants et les bars. Bah, en même temps, bon, ils travaillent. Bah ouais, mais bon, quand on appelle, ils pourraient être polis. Ouais, non, c'est vrai, ils pourraient dire aux gens vos gueules. Bah ouais, on passe sur Skyrock, taisez-vous, voilà. T'as pas... genre. C'est vraiment du chinois ce que t'as mis, Lifoul. Oui, ça, c'est du chinois. Ouais. C'est Romano en chinois. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Exactement. On va où là? Hippopotamus. Ah, Hippopotamus. Le restaurant préféré de Cédric, c'est d'ailleurs lui qui est dessiné sur les cartes d'Hippopotamus. Moi, là, à chaque fois que j'y vais, il me raccroche au-dessus de la porte. C'est bon, ça, Hippo. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Ouais, ça balle. Oui, allô. Allô, oui, bonsoir. Allô. Oui, allô. Oui, allô. Eh ouais, l'hippopotamus. Vous êtes en relation avec un de nos conseillers. Merci de bien vouloir patienter. Vous appelez quoi? Sauf que j'ai deux hippos. Vous allez être mis en relation avec un de nos conseillers. Merci de bien vouloir patienter. Et là-bas, les serveurs, c'est des conseillers. Ouais. Jean-Paul, vous allez être mis en relation avec un de nos conseillers. Merci de bien vouloir patienter. Allô. Oui. Oui, allô. Vous allez être mis en relation avec un de nos conseillers. Allô. Oui, merci, allô, vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Il y a un problème, j'entends encore la musique d'attente de votre restaurant. Oui, exactement. Oui, ah ben, dites voir, c'est le bordel. Faudrait réparer votre répondeur parce que vous entendez, il passe là. Oui, j'entends, mais ça doit être un problème sur le téléphone. Ah ben, ça, il y a un sacré problème. Oui. Et on entend une autre personne derrière. Vous allez être mis en relation. Absolument, oui. Merci de bien vouloir patienter. Salut les filles. Allô. Vous allez être mis en relation avec ça un va, de tu nos conseillers. Bien je comprends pas. J'ai une bonne bite là. Allô. Allô. Je crois que Patrick l'a achevé. Ouais, c'est clair. Et là, elle va regarder son téléphone. Oui, il y a une merde dans le tuyau là. Je sais pas ce qui se passe dans le téléphone, mais il y a quand même un truc. Il y a un bordel. Ouais, effectivement, il y a un problème. Ouais. Bah oui, je sais pas ce qui se passe. Bon, alors on était chez Hippo, sympa Hippo, super répondeur. Merci. Ouais. Ah franchement, de la qualité. Hein. Alors on a fait les bars. On a fait. On peut aller à l'hôtel peut-être. Maintenant. Bah ici on a. On va où vous voulez. Alors on va à l'hôtel maintenant. Alors l'hôtel de la gare, c'est ça. C'est ça. Et le Père Mayou. Très bien. Le Camayou. Le Papayou et l'hôtel de la gare. Hôtel de la gare, bonjour. Bonjour, l'hôtel de la gare. Bonjour, monsieur. Père Mayou, bonsoir. Oui. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Mais vous voulez quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on pourrait en venir au fait? Qu'est-ce qu'il vous faut? Oh, c'est une plaisanterie, hein. Pas du tout. Oui, allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous demandez qui, monsieur? Oui, allô? Comment? Faudrait arrêter les conneries, là, monsieur. Vous demandez qui, madame? Attends, vas-y, rappelle-la, elle. Avec un autre hôtel, alors. Ouais, ouais, vas-y, rappelle-la, Samy. Alors. Cherchons votre correspondant et nous efforçons d'écourter votre attente. Veuillez ne pas quitter. Merci. Allô? Allô, maman. Allô, maman. Allô? Tu veux un coup de main, là? Hein? Vous êtes con ou quoi? Ça va mal finir, là, pour vous, hein? Hein? Et où Jean-Luc? Oh! Et où Jean-Luc? Allô? Et où Jean-Luc? Bah, bien sûr, oui. Hein? Un Patrick. Un Patrick. Ah bon? J'ai pris ma belle boîte, j'ai une bonne mythe, là, bien. Ouais. Bon. C'est vraiment malin. Il est pas là avec vous, Jean-Luc? J'ai des godes. Oui, allez. Non, on a des godes, mais pas Jean-Luc. Ah bon, mais c'est pas grave. Allez, attends. À bientôt. Allô? Oui. C'est Jean-Luc. Allô? Oui. Oui? Allô? Oui, allô? Et qui c'est qui me parle, là? C'est qui? Hein? C'est OK, c'est Bigano, ça? Patrick. Ah bon. Allez. J'ai plus rien à faire. Hein. C'est Jean-Luc. Eh ben, je l'ai bien, bonjour. Bonne soirée, au revoir. En fait, j'ai un pote à moi, il m'a chauffé. C'est Jean-Luc. Bah oui, c'est Jean... Allô? Allô? Mais tu me reconnais pas, c'est Jean-Luc. Bah oui, ben, je l'ai bien, bonjour, Jean-Luc. Ah ben bonjour, ouais. Attends, allô? Oui. Oui, attends, parce que je sais pas, il y a de la merde dans le tuyau, j'ai l'impression. Oui. T'as entendu? Il y a un mec derrière qui s'appelle Patrick, là. Montpellier Centre Comédie, Cyril, bonsoir. Allô? Allô? Allô? Allô maman, allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, allô maman, j'aime pas tes rires. Allô maman, allô maman. Bon ben merci les hôtels, merci les restos. Il faut garder son numéro, elle. Merci c'est le bar. C'était qui la bonne femme? Elle bonne. Elle était super, elle. Les touristes, ça s'appelle. Ah, on était chez les touristes. Enfin, non mais elle est imbibée, l'hôtel des touristes. Vas-y, rappelle-la vite fait pour voir. Voilà, on va lui faire allô maman. Vous êtes prêts? Okay. Allô. Allô. Allô maman. Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô, allô maman. Allô maman. Allô maman. Changement de style. Allez. Allô. Allô. Ah. Mais c'était qui lui, son mari? Allô. Je sais pas, ils sont plusieurs dans l'hôtel, ce qui est quand même hallucinant. Ils font peut-être une grosse teuf. Ah ouais, ouais, ouais. Attention, à l'hôtel des touristes, ça bouge là-bas. Ils boivent avant l'euro. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Bon, si vous avez des potes ou des gens que vous connaissez, quelqu'un de la famille qui bosse le soir, n'hésitez pas à nous laisser les numéros parce qu'on prend aussi les numéros. Là, c'est nous qui les avons sélectionnés ce soir. Allô maman. Voilà, et on remercie STH qui a participé à notre double appel. Il est super STH. Ah ben ouais, c'est bien utile. Même dans le double appel. Et attention, c'est parti, top inscription. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et ben c'est parti pour vos places de foot à gagner. Vous voulez vos huitièmes de finale. Il y aura, on sera forcément en huitièmes de finale, les bleus. Hein. Ouais, bah, ils sont là. Il y a intérêt. Eh bien, vous voulez les huitièmes de finale? Eh bien, vous allez gagner les huitièmes de finale de l'Euro 2016. Les places sont à gagner, les places Crédit Agricole sont à gagner sur Skyrock. Vous vous inscrivez et vous gagnez le match qui aura lieu à Paris le 20. C'est quand? Le 27 juin? 26 juin, je crois. Hein. Ah, je sais pas, moi, c'est pas moi qui pourrais le 25, dire. Allez, bon. Allez, hop. On vérifie la date, mais vous gagnez les huitièmes de finale. Allez, c'est parti. Huitièmes de finale à gagner.

Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, j'adore ce morceau, c'était Drake, le grand Drake sur Sky. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et c'est que vous kiffez Drake, on a deux sons de Drake hein, qu'on vous passe en plus depuis lundi, ils sont avec Rihanna. Et puis un nouveau son de Drake aussi, Carton aux States, qu'on vous passe. Rihanna, c'est comment s'appelle tout? Too good. Too good. Too good, c'est ça. Ah, c'est ça, too good. Too good. Good. Donc, Drake, là, on écoutait déjà un classique, hein. One Dance. Ça va nous ambiancer. Ah, putain, ça va être bon, ça, cet été, là. Bon, c'est bien marré avec le double appel avec les gens qui bossent ce soir. Là, t'as Hello Catch qui nous fait d'enfer les double appels spéciales, gens qui travaillent. Eh bien, on refera, promis, on refera bientôt, là. Et les familles de tout à l'heure étaient pas mal non plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le top bug? Oui, votre top bug, on vous offre vos places pour l'Euro 2016. C'est les huitièmes de finale, c'est le match du Stade de France. Ouais. Le 27 juin, le 27 juin, vous serez au Stade de France, vous gagnez vos deux places, les places Crédit Agricole, qu'on vous file dans la radio libre et évidemment tout au long de la journée sur Skyrock, dès le morning, dès le matin avec nous, à n'importe quelle heure du morning, vous pouvez gagner. Quelle est la banque? On a mal compris. Crédit Agricole, je l'ai bien dit, Urban. C'est ma banque en plus. Bah, j'ai jamais été chez eux. Non, mais s'ils m'invitent, je viendrai avec plaisir. C'est une de mes banques, on va dire. Ah bah, il y en a qu'en nom. Non, mais j'ai deux banques. Il y en a qu'en des ronds, quoi. Ouais, la Rothschild. Non, Rothschild. J'ai, regarde, Crédit Agricole. Magnifique. Bon, alors, c'est parti. Le top bug, et ça a encore bougé cette semaine. Et oui. Le top bug. Le classement officiel des bugs de Romano sur Skyrock. C'est parti. Alors, attention. Ah oui. C'est ça, ça. C'est Cédric qui. Ah. C'est le jingle, man. Il est content, Cédric qui danse. Il vient de crier. Ça lui fait du bien. Bah ouais, il adore le top bug, lui aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le top bug cette semaine? Ça bouge. Eh ben déjà, il y a un bug qui sort. C'est terminé pour le bug. Bon, de toute façon, j'arrive jamais à rien dire. Comment? C'est que t'y ailles avant qu'elle aille baver. Ah, j'avais pas compris ce que tu disais. Le bug s'appelle que t'y ailles avant d'aller baver. J'ai pas compris ce que tu disais. Ouais, bon, bah écoute, vas-y, on va l'écouter, ça va être le mieux. C'est peut-être la dernière fois qu'on l'écoute à tout jamais, puisqu'il sort cette semaine du classement. Mais c'est lequel bug? C'est le bug, celui-là. Lequel? Celui où t'appuies sur le bouton. Bah ouais, mais je peux pas, j'ai plus de bras. Bah écoute, alors, c'est quoi le bug? Fais-moi ta télécommande, appuie avec ton pif, t'y arriveras bien. Ah, vous savez que ça me gratte mon truc au bras, là. Ah, non. Non, mais c'est normal, t'es enfermé dans un truc. Bon, on écoute le bug qui sort. Que t'y ailles. Que t'y ailles où? Avant qu'elle baille. Ben, elle baille, il bavait. Non, là, il bavait. Voilà, bon, ouais. Vous avez à peu près compris. Bon, de toute façon, il sort. Allez, hop. Dehors. C'est un bug. Non, mais si tu t'entends bien avec lui, c'est bien, ça serait bien d'aller le prévenir qu'elle, avant elle bavait. Mais oui, on va le faire. Avant qu'elle, elle aille baver. Voilà. C'est ça? Voilà. En c'est fait, bien. Il vaut mieux que ce soit toi qui aille voir que elle qui aille en premier. Une petite bise pour la calmer. Eh ben, oui, c'est on a compris. Pas évident. Ah ouais. Pas évident. Bon, il sort, terminé. Place que numéro 5. Avant elle bavait. Est-ce que tu peux envoyer les éléments au bon moment? Que elle, avant elle bavait. Et il râle en plus. Bah ouais, je râle. Bon, alors nous allons passer à la place numéro 5. Et toi, tu vas te calmer. Là. T'as fini de faire la fofolle, Cédric? On t'entend. Oh là là. Salut les filles. Il est déchaîné. Hein. Salut. Alors. Bon, le bug numéro 5, à la place numéro 5 donc, c'est un bug qui ne bouge pas de place. C'est, il y a Cyril, lui, il fait la fête. Oh, ah, il est content, Cyril. Ah bah Cyril, il fait la fête et il est numéro 5 cette semaine. T'es devant ma télé. Bon, il y a Cyril, lui, il fait la fête. Il fait la fête. C'est normal, c'est... Et l'apéro aussi. L'apéro, d'ailleurs, il le dit, la fête, l'apéro. Ouais, Romano, t'as fait l'apéro, toi aussi. Non, même pas, non. On dirait pourtant. Non, pas du tout. Hein. Je suis totalement sobre aujourd'hui. Et c'est numéro 5. Il y a Cyril Lelu, il fait la fête. Très bien. Et nous passons donc à la place numéro 4. Et c'est l'entrée de la semaine. Oui. Et c'est le bug. C'est Pamela. J'ai la minette épilée devant et plus longue sur les côtés. Pamela est aussi dans le top bug oui, cette semaine. Oui, je suis dedans. Oui. Et sans A, j'ai la minette. J'ai la minette épilée devant et un peu plus longue sur les côtés. Oui. Et lui, ça le dérange pas. Non, mais il était content, il riait. Ouais. Il riait comme un bécasson. Derrière. Un bécasson. J'ai la minette. C'est Pamela, c'est l'entrée de la semaine, elle est numéro 4, comme elle est mignonne. Oh, mignonne, oui, si tu veux. Oh, ouais, elle est trop bonne. Ah, c'est toi qui le dis. Elle est bonne. Oh, ouais, elle est bonne. Oh, putain. Ouais. Numéro 4. Et nous passons à la place numéro 3, et là, ça chute d'une place. Aïe, c'est le bug international. Ah. Hello, Eli Ulu. Il est super, lui. C'est un des plus vieux bugs classés, d'ailleurs. Ah, et il est numéro 3 cette semaine, moins une place. Les éléments. I'm Romanu Smith. Romanu Smith. Allô, hello, allô, allô, allô. Ah non, c'est, non, c'était hello. Le bug anglais. C'est le bug anglais, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que de l'anglais, parce que Ulu, je ne sais pas où ça vient. Bah, peut-être de Ono. Ah, Ono, Ulu. Ah ouais. Ulu. Bravo, dis-moi. Allô, hello, allô, Ulu, Ili. Et Ili, Ili, c'est un café ouais, en Italie. Ouais, c'est une marque de café en France, ouais, on la trouve. Aussi, ouais. Marque de café en France. Rouge. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, avec le logo rouge, oui. Ili. Très bon café. Ili. Allô, hello, allô, Ulu, Ili. Troisième. Et troisième. Et nous passons à la place numéro 2, ça monte d'une place. Aha. C'est le bug, je dois bien te l'avouer. Eh bien, écoutons-le, il est deuxième, peut-être bientôt numéro 1. Me faire prendre par le vagin, mais par l'anus, je dois bien que... Je dois bien t'avouer. Mais non. Eh si, Marie, et je dois bien t'avouer. Si, c'est dingue. Numéro 2 cette semaine, plus une place. Je dois bien que... Qu'est-ce qu'elle a ta bouche? Bah, elle est bloquée, là. Elle est merdeuse. Elle est merdeuse. Elle est merdique. C'est bizarre. Et attention, numéro 1. Number 1. Ça reste numéro 1. Ça reste numéro 1. Oui. C'est le bug, je trouve ça anti-sexy au possible. Et j'avais eu beaucoup de mal à le dire également. C'est vrai, mais là, tu y es arrivé d'un coup. Ah ouais, une traite. Une traite. Par contre, numéro 1, tu vois, j'en ai plus chié pour le dire. Oui, mais c'est numéro 1. C'était le plus simple. C'est numéro 1 et c'est le bug, je trouve ça anti-sexy au possible. Oui. Ça joue Kaira, quoi. Ouais, c'est vrai. Cache ouais, mais forme. C'est vrai que c'est. Quoi, moi, personnellement, je trouve ça. En effet, Romano, je pense que c'est un avis qui doit être partagé par pas mal d'auditeurs de Skyrock, d'ailleurs. Moi, je pense que. Non, mais je suis d'accord. J'ai dit la vérité. Oui. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais ça. C'est, moi, je trouve ça anti-sexy ou possible. Bah, tu vois, quand tu fais ça. Celui-là, il fait flipper quand même. Ah ouais. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il est numéro 1. Je fais des bruits de nez. Ah, la galère. Ah, mais j'ai compris. Tu parles par le nez. Non, mais ouais. Et ouais. Comme les ventriloques. C'est ça. T'imagines si je parlais par le nez comme je pourrais parler fort, moi. Ah ouais, c'est clair. Mais toi, tu peux sonoriser un stade. Ah ouais, au moins. Ouais, tu vas au Stade de France, mais on entend que toi si tu cries par le nez. Et ouais. Le récapitulatif, et après, vous pourrez voter pour le top bug de la semaine prochaine. D'ailleurs, vous pouvez voter toute la semaine. Et attention, on est des ouf, on fait le récapitulatif, mais dans l'autre sens. Ouais, écoutez bien. Alors, place numéro 1, je trouve ça anti-sexy ou possible. Numéro 2, je dois bien te l'avouer. Je dois bien que... Le troisième, c'est Hello. Allô, Hello, Ulu, Ili. Numéro 4, c'est l'entrée de la semaine. J'ai la minette épilée et plus longue sur les côtés, c'est Pamela. Ouais, j'ai des poils partout. Ah bah, c'est... Non. J'ai la minette... Et numéro 5, eh bien, il y a Cyril, lui, il fait la fête. Il y a Cyril, là, lui, il fait la fête. Et ouais, il a trop fait la fête. Ouais, trop fait la teuf. Il est l'heure d'aller se coucher. Pas encore, bah non, on a la roulette à faire tourner. Et puis, si vous voulez voter pour les bugs, vous les avez tous sur le difool.skyrock.com. Allez y faire un tour. Il y a tous les bugs à retrouver. Et puis, ouais. Sinon, l'appli des bugs. Les bugs de Romano sur l'Apple Store et Google Play, elle est entièrement gratuite. Allez, profitez-en, ça ne durera peut-être pas. Il y a Kali qui adore le quatrième, il est magique. Ah bah, votez aussi au 41759. Ah bah, ouais, on prend les votes aussi sur les messages. Tiens, je vote pour ma chérie Pamela. Ah, encore pour le quatrième. C'est la chérie Pamela qui est quatrième. Ouais. C'est bien noté. Une question. Romano, il fait exprès de bugger. Non, c'est ça qui est triste. Ah, non, non. Oui, non, c'est Thomas qui se pose la question. Là. Bah, il peut pas faire exprès. Si tu faisais exprès, tu y arriverais pas, non? Ah, bah, non, je suis pas comédien, non. Et les places pour l'euro? Ah, c'est l'heure. Eh bien, c'est maintenant sur Skyrock. C'est parti. Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Vive Skyrock, vive le Crédit Agricole et salut Corentin. Vive l'Euro. Salut. Salut Corentin, t'as 15 ans et t'es à Vannes, comment ça va Corentin? Bien et toi? Écoute, ça va bien. À part une petite tendinite, mais j'en ai pas trop parlé, je sais pas si t'es au courant. Hein. Non, évidemment. Si, j'ai écouté, je suis au courant. Ah, si, t'es au courant. Ouais, t'es vraiment infidèle, j'en parle pas souvent. Hein. Non, vraiment très peu. Hein. Ah, ça vraiment. On aura bien fait chier encore. Bon, tu vas aller voir l'Euro, toi, Corentin. Ouais. Le Stade de France le 27 juin, ça te dit? Ouais. Les huitièmes de finale de l'Euro à gagner, t'imagines? Ouais. Aïe. Attention, c'est lourd ça. Je vais lancer la roue. Et la roulette tourne. Avec tes petits bras. Allez, c'est ce qu'il te reste à faire. T'es en quelle classe toi, Corentin? Je suis en quatrième. Ah bien. Ah ouais, donc le 27, allez, c'est fini l'année. Hein. Ouais. Attention, c'est stop quand tu veux. Stop. Bien. Elle mais s'arrête. Si tu gagnes, tu vas avec qui, Corentin? Avec mon frère. Très bien. Eh bien, tu vas prévenir ton frère tout de suite. Tu vas lui dire que t'as deux places pour aller à la fin, au huitième de finale, au match des huitièmes de finale de l'Euro au Stade de France. Tu seras au Stade de France, Corentin. Ah yes. Avec le frangin. Ouais. Eh ouais, ben bravo à toi. Comment tu les sens les Français pour les pour l'Euro, toi? Match en deux jours. Bon, ça va, je les sens bien pour l'instant. J'espère qu'ils vont gagner. Ouais, c'est ça. Tu les sens bien, mais on n'ose pas trop parler encore. Ouais, c'est mieux. Ouais, on a envie de les voir se lancer dans la compétition. Vendredi soir, on suivra ça en direct sur Skyrock. Sois avec nous vendredi. Hein. Ah oui. Bon, bis Corentin, bravo à toi. Et bravo. Comment il s'appelle ton frangin? Alexandre. Bon, Alexandre et Corentin, direction le Stade de France. Et donc, place à gagner demain matin entre 6h et 9h dans le morning. Soyez là. Oui. À n'importe quel moment du morning, vous pouvez gagner vos places de foot, vos places pour l'Euro. Ouais, coucou Linette, t'inquiète pas. Hein. Parce qu'elle dit, je retenterai ma chance demain. Mais oui, Linette. Bah, dans le morning déjà. Retente ta chance demain. Ouais. Dans le morning, des places à gagner. Des places Crédit Agricole qu'on vous file sur Skyrock. Salut Corentin, ciao. Salut. Bisous. Et puis salut à vous. Demain soir, ne loupez pas le rendez-vous. On est là entre 21h et minuit. Avec les problèmes du mois du jeudi soir. Attention, demain c'est J-1 pour l'Euro. Ah ouais, la pression monte. Demain c'est un peu le warm-up quoi. Ouais, on va se warm-upiser un peu. Ah ouais, c'est ça ouais. Comme dans les courses de Formule 1, pareil. Ouais. Donc demain soir, 21h minuit, Radio Libre. Puis demain matin, venez vous réveiller avec nous. On a vos écrans à vous filer, hein, les télés Samsung, les toutes dernières à choper. À 7h20, c'est sûr. Ce matin, on en a même offert deux. Une à 7h20, une à 8h20. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est bon pour suivre les matchs. Bah oui. On jouera à Fomito. Demain matin, on vous offrira 1 500 € aussi. Vos places pour l'Euro, je vous l'ai dit. Ne loupez pas le rendez-vous de vos conseils pas chers. Les réveils de stars aussi. Oh là là, il y en a des choses dans le morning. 6h, 9h, le morning pour se réveiller avec nous. Et 21h minuit, la Radio Libre pour se coucher avec nous. Et ça oui. va être chaud tout ça, dites donc. Oui. Et puis n'oubliez pas de nous envoyer vos photos aussi. On vous l'a pas d'histoire, mais on en reçoit plein. Les photos de vous en supporter. Ouais. Si vous avez des maillots. Envoyez ça, ouais. On vous mettra sur nos écrans vidéo. Ouais. Voilà, vous tournerez dans le studio. Vous serez partout avec nous. Dans le studio. Et elle arrive, elle est là. Et ouais, elle va faire tourner les sons toute la nuit. Et ah, elle va pas se faire tourner toute la nuit. Non. Non, oh, t'es dégueulasse, c'est haut. Ça, c'est classe. Ah, ça, c'est vraiment la classe. Bravo, Karim. Tu as pas entendu, il a dit quoi? Non, non, une connerie. Non, rien. J'ai dit que t'étais très belle ce soir. Bouge tes oreilles chastes. Oui. Urban Music Non-Stop, c'est parti. Et c'est parti avec Mike Posner. Et bien, Mike Posner, il took a pill in Ibiza. Oui, exactement. Et bonne nuit. Et puis sinon, à demain matin, dès 6h pour le morning, dès 21h pour la Radio Libre. Salut tout le monde. Ciao. Allez, salut. Au moins une télé 4K Ultra HD à gagner tous les matins dans le morning de Difool. Morning show. Viens jouer à Info ou Mytho. Romano, c'est une info. Cariole, c'est Mytho. Eh ben, t'as gagné, bravo. Et chope toi aussi ta nouvelle télé Samsung 4K pour mater tous les matchs de foot en Ultra HD. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Skyrock. Écoute le morning de Difool demain matin à 7h20. Et à toi, la nouvelle télé Samsung en mode Ultra HD. Ultra HD. 6h, 9h. Le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. I took a pill in Ibiza to show a feature I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be